Alors, Daniel, l'intelligence d'un tiers-monde, c'est intelligent un tiers-monde. Nomme-moi une chose qui n'est pas intelligente. Que la femme soit dans le tiers-monde. Bon, qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Qu'est-ce qu'on entend par tiers-monde? C'est une conférence qui peut choquer plusieurs individus. D'ailleurs, certains se sont exemptés d'y assister. C'est sans doute très ajusté. Il y aura dans la conférence, pour ceux qui m'entendent pour la première fois en conférence, peut-être certains mots qui seront difficiles à comprendre. Maintenant, si on ne comprend pas les mots, on peut en parler à l'entracte et puis on peut aussi poser des questions sur ces mots-là. À la deuxième partie, j'y répondrai. Si de temps en temps, je suis relativement facile à comprendre, sauf que pour y parvenir, il y a certains mots qu'on doit abandonner. Et abandonnant certains mots qui supportent bien la pensée, on est obligé aussi de se limiter dans ce qu'on veut communiquer. Ce soir, j'aimerais ne pas trop me limiter, ce qui fait que si ça paraît un peu ardu pour ceux qui m'entendent pour la première ou deuxième fois, il faudra simplement poser des questions sur ces mots ou réécouter la conférence sur cassette. Définition, premièrement, ce qu'est l'intelligence. L'intelligence est une chose qui est. Lorsque deux automobiles se rentrent l'une dans l'autre, il y a intelligence du point de vue des automobiles. Elles exécutent ce que les lois planétaires leur demandent d'exécuter. Ces lois planétaires-là vont être exprimées par la gravité, c'est-à-dire que l'auto doit s'en aller là où elle est propulsée, par l'énergie cinétique, par l'énergie potentielle, par la puissance du moteur, par la friction, qui est une loi qui permet au véhicule d'avancer, par la solidité des matériaux, une loi qui permet au véhicule d'arrêter, ce qu'on appelle une collision, par peut-être l'alcool qui manipule biologiquement l'être humain qui conduit, par peut-être la fatigue, par etc., etc. Et si on observe ça du point de vue cosmique, c'est intelligent que ça arrive. L'intelligence au niveau de l'humain est une faculté qui se développe de plus en plus chez l'homme transitif et cette intelligence, lorsqu'elle est exprimée, engendre ce que moi j'appelle l'homme nouveau. Ce n'est pas une qualité d'être un homme nouveau, ce n'est pas une qualité d'être lié à de l'intelligence, c'est un fait, un état de choses. L'intelligence de l'homme nouveau fait contrepoids à l'intellectuance de l'homme ancien. L'intellectuance est la faculté qu'a l'homme ancien, qu'a l'homme normal, la femme évidemment et l'enfant, de pouvoir intellectualiser ses mémoires, de pouvoir légiférer sur son bagage de connaissances. Mais cette intellectuance est toujours tributaire du passé, de la connaissance, de ce que l'homme a appris, donc de la mémoire. L'intelligence ne dépend pas de la mémoire. L'intelligence ne dépend pas du quotient intellectuel. Le fait d'être un mentat dépend du quotient intellectuel. Le fait d'être intellectuel dépend du quotient intellectuel, mais pas le fait d'être intelligent. Lorsque nous habitons un contexte comme la planète Terre, qui est un endroit qui a une tendance équilibrée à engendrer l'amélioration et l'adaptation d'évolution, nous sommes évidemment toujours confinés à observer des lois, les lois naturelles. Ces lois naturelles apparaissent seulement lorsqu'il y a un état d'équilibre qui est. Dans certaines religions, dans certaines expressions théologiques et intuitives de certaines humanités, on parle qu'il y avait avant la création le chaos. Le chaos veut dire qu'il y avait, autrement dit, de la folie. Une chose absolument désordonnée. Il y avait quelque chose qui n'était pas régi par des lois. Ces choses folles, à un moment donné, se heurtent l'une contre les autres. Se heurtant les unes contre les autres, commence une guerre, une lutte. C'est ce qu'on va appeler la vie. Cette lutte va finir par se complémentariser et lentement, tout ce qui est fou et qui s'oppose finit par avoir des forces équilibrées. Et à l'intérieur de cette expression de force équilibrée naît l'apparente stabilité, ce qui, à partir de cet instant, va constituer les mondes, les super-univers, les univers, les galaxies, les systèmes solaires et les planètes. Cela veut dire que chacun d'entre vous, vous êtes habité par des myriades de microbes qui veulent vous tuer. Et en même temps, vous êtes habité par des myriades de microbes qui tendent à vous sauver. Il y a une guerre. Lorsque la stabilité est apparente, il y a la santé. Mais ces choses sont là. À la surface de votre peau, il y a des millions de microbes. Je parle de microbes, on peut parler de virus, de bactéries, etc. Lorsque vous vous coupez, il y aura de l'infection. Parce que ce qui est à la surface et qui doit rester à la surface peut pénétrer à l'intérieur. Lorsqu'on a la grippe, lorsqu'on a le rhume, lorsqu'on attrape un rhinovirus, on l'a toujours chez soi. Et lorsque l'on dit on l'a attrapé, non, en réalité, c'est que l'équilibre a été brisé. Et il y aura une tendance d'évolution jusqu'à une nouvelle forme d'équilibre qui peut être la maladie, qui peut être aussi la restauration de la santé. Il y a ce chaos fou. Et lorsque sur le contexte planétaire, dans le contexte écologique du règne animal, finit par apparaître l'état d'équilibre, c'est-à-dire que lorsqu'il manque de chevreuils, les loups meurent de faim. Lorsque les loups meurent de faim, les chevreuils peuvent commencer à procréer. Lorsque les chevreuils procréent, il y a beaucoup de chevreuils. Lorsqu'il y a beaucoup de chevreuils, les loups n'ont plus faim. Les loups donc vivent bien. Lorsque les loups vivent bien, ils se reproduisent. Lorsqu'ils se reproduisent, ils augmentent leur quantité. Lorsqu'il y a trop de loups, ça bouffe trop de chevreuils. Lorsqu'il y a trop de loups, les chevreuils commencent à partir. Lorsqu'il manque des chevreuils, les loups crèvent de faim. Lorsque les loups crèvent de faim, les chevreuils commencent à se multiplier. C'est ça, l'état d'équilibre. À l'échelle de la planète, comme à l'échelle de vos vies propres, il y a cet état d'équilibre qui a toujours existé depuis que les mondes sont et qui devrait continuer à exister jusqu'à temps que l'homme s'en mêle. Mais il y a deux hommes. Il y a l'homme ancien, il y a l'homme nouveau. Il y a celui qui est régi par la mémoire, par le monde de la mort, par l'astral, par le ciel, celui qui explique toujours sa vie à partir de l'Antiquité, celui qui veut connaître l'avenir à partir du passé, celui qui finalement veut désirer, veut aimer, a de l'émotion, et à partir de ce charriage émotif tente d'induire un changement dans l'univers, du moins sur la Terre. Le parent qui, voulant que son enfant devienne ceci, émotivement tente à éduquer cet enfant pour arriver au résultat, se foutant royalement de l'enfant. L'individu qui, aimant un paysage, démolit tout ce qu'il a pour faire en sorte que ce qu'il aime apparaisse, détruisant par le fait même l'écologie de la place. L'individu qui, n'aimant pas d'autres races, engendre les guerres pour qu'émotivement apparaisse une terre comme il la voudrait, engendrant par le fait même le raciste, etc., etc. Et il y a l'homme nouveau. À l'intérieur de chacun des hommes anciens, il y a aussi l'homme nouveau, mais il y a de plus en plus l'homme nouveau qui tend à être le seul dans un corps à être exprimé. L'homme nouveau qui, lui, voit de l'intelligence là où il y en a. Et l'inintelligence, il ne peut pas la trouver. Par contre, il voit un déséquilibre, une inharmonie tendancieuse chez l'homme ancien. Il ne fera rien pour l'en empêcher parce que l'homme ancien doit y parvenir lui-même. C'est intelligent, c'est logique, c'est écologique. L'homme nouveau est relié à un phénomène relativement intéressant qui est celui de la résonance vibratoire avec l'instantanéité d'un événement. Lorsque les forces folles ont créé la Terre, ces forces folles ont continué à se lutter, ont engendré la vie végétale, ont engendré évidemment la vie chimique, la vie animique, les acides aminés, etc. Ils ont engendré la vie animale et lentement de l'animalité a été engendré l'hominal, l'homme. Lorsque ces engendrements finissent par créer un état d'équilibre à travers les forces folles, on atteint un contexte d'évolution. La décadence apparente du début et final. Les volcans se ferment la gueule. Les dinosaures disparaissent parce qu'ils manquent d'équilibre. Et une panoplie d'animaux se voit mutée, ainsi que l'homme, pour en arriver à un contexte où apparemment la tortue reste ce qu'elle est. Le requin n'évolue plus. Le brontosaure n'existe plus. Les oiseaux sont ce qu'ils sont. Et apparemment, si on conserve encore les millions d'années d'existence, ce que nous connaissons aujourd'hui sera ce qui sera dans l'avenir. Mais ça n'a pas été comme ça dans le passé. On a atteint un état d'équilibre. Du point de vue du règne chimique, ou disons atomique. Lorsque cet équilibre est apparu, l'être humain observant l'équilibre appelle cela des lois naturelles. Les lois de la nature. Dans un vocabulaire faussé, chez l'homme inconscient, il appellera ça des lois divines. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Cela est. Et lorsque cela se restreint et s'auto-équilibre, on appelle cette chose une loi naturelle. Si on brise l'équilibre, la loi change. Pour avoir tendance à revenir à l'équilibre, la loi naturelle. Tout est régi de cette façon. Il y a une lutte entre choses folles. Quand je parle de choses folles, je parle de choses ignorantes, des choses inconscientes qui sont laissées à eux-mêmes. Donc, du point de vue cosmique, ont l'air désordonnées, disons, folles. L'être humain est un phénomène ignorant. Pas tous les êtres humains, mais la majorité, 99,999 des humains, ignorent des choses. Le fait d'être ignorant ne veut pas dire qu'on est stupide, veut dire qu'on ignore une chose. Le fait d'ignorer les choses et le fait de désirer constituer sa vie à partir du point de vue émotif fait que l'humain a toujours une tendance à transposer les lois naturelles dans son point de vue, ce qui engendre une dissonance totale au niveau de la relation entre chacun des humains. Lorsque l'humain est collectivisé par l'astral planétaire, engendre des nations. Cette nation identifiée a un égo, un égrégore, et à partir de cet égo émotif, parce que chaque nation a son propre schéma émotif, chaque nation veut que la Terre soit ce qu'elle aimerait qu'elle soit. Cela engendre donc des conflits nationaux, internationaux. Tant que l'homme n'est pas parvenu à cet état d'équilibre du point de vue social, il y a cette lutte. C'est une loi naturelle. C'est intelligent. Lorsque l'équilibre apparaît, il y a apparence de stabilité. Je dis bien apparence. Lorsque l'URSS a suffisamment de têtes ou d'ogives nucléaires pour être en équilibre avec les États-Unis d'Amérique, il y a apparence de stabilité. Tout sur le plan terrestre est intelligent. La Deuxième Guerre mondiale était merveilleusement intelligente. Elle était essentielle. Parce qu'elle était utile. L'être humain de l'époque, ne pouvant comprendre l'intelligence de cette guerre, a été manipulé par différentes organisations secrètes, en l'occurrence, certaines cellules de la franc-maçonnerie et, évidemment, le prieuré de Sion. Cette Deuxième Guerre mondiale avait pour objectif de lancer la technologie de l'homme et d'obliger les nations à se mêler sur une terre neuve, les États-Unis, de façon à engendrer par mélange génétique des corps physiques qui, à un moment donné, auraient la force biologique de supporter le contact avec l'intelligence. À travers les Amériques, le Canada était là. À travers le Canada, le Québec était là. Le mélange des races s'est fait de la même façon. On a de plus en plus d'immigration au niveau du Québec, non seulement parce qu'on a un large territoire vide. Ce n'est pas la réelle raison. C'est une raison intellectuelle qui peut permettre à certains individus de comprendre ce phénomène et qui permet aussi à ceux qui viennent ici de pouvoir au moins se donner une raison. Mais tous les gens qui immigrent vers le Québec sont déjà manipulés par deux choses. L'illusion spirituelle d'une terre promise et la conscience supramentale d'un lieu intelligent où aller. Parmi ceux qui immigrent ici, il y a ceux qui fuient les tiers-mondes. Il y a ceux qui fuient les tiers-mondes et qui devront fuir un jour le Québec. Et il y a ceux qui ne fuient pas les tiers-mondes, mais qui viennent au Québec. Et ceux-là resteront au Québec. L'intelligence amène à l'homme nouveau la faculté de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir. L'intelligence amène à l'homme nouveau la faculté de savoir sans apprendre. Antiquement, on appelait faussement cela un savoir inné. L'intelligence ne vient pas à la naissance, l'intelligence ne provient pas des parents, l'intelligence ne provient que du contact entre l'homme et la réalité. L'intelligence est quelque chose qui ne peut pas être mémorisé, c'est donc quelque chose qui ne vient pas et qui ne reste pas à jamais chez l'homme. Un jour, vous avez été intelligent. Vous avez eu une illumination, une intuition, et vous avez eu une efficacité qui vous a surpris. Parce que vous avez vécu cela, est-ce que à jamais vous le vivrez? Non. L'intelligence n'étant pas mémorielle, lorsqu'on a réussi un jour à être intelligent, le travail continue si on veut être toujours intelligent. L'intellectuance est du domaine de la mémoire. Lorsqu'un jour on a l'intellectuance, on ne l'a jamais. On peut l'améliorer, on ne la perd que si les neurones du cerveau meurent, par le vieillissement ou la dégradation vitale du corps. L'être humain a un rôle sur la Terre, ne pas être heureux. L'être humain a une fonction sur le plan terrestre, s'améliorer. Qu'est-ce que veut dire s'améliorer? S'améliorer veut dire augmenter le potentiel d'efficacité d'expression tout en diminuant la quantité d'énergie nécessaire pour l'expression. C'est ça le rôle ou la fonction de l'homme. Arriver à un moment donné, pour prendre des termes plus faciles, à travailler de moins en moins et à ramasser de plus en plus. Lorsque l'homme est capable de gérer une planète, il ne travaille pas beaucoup parce que la planète peut le nourrir amplement. L'amélioration de l'homme n'est pas de gérer une planète, de se gérer lui. Lui étant la réplique exacte d'une panoplie de choses qui échappent complètement à la conscience très limitée de l'homme, on parle de galaxies ou d'univers, le rôle de l'homme ou la fonction de l'homme est de parvenir à cette amélioration. L'amélioration d'une constitution comme l'homme est similaire à l'amélioration d'une pile. Plus il y a d'énergie dans l'homme, plus il y a d'amélioration au niveau de la constitution de l'homme. Plus il y a perte d'énergie, plus il y a dégradation. Le rôle de l'homme, son rôle terrestre, planétaire, localisé dans sa conscience limitée, accumuler de l'énergie. Lorsque l'homme accumule de l'énergie, c'est un peu comme lorsque l'alcoolique se désivre, lorsque l'alcoolique se désintoxique. Une fois désintoxiqué, il voit le monde de nouvel œil, et il voit peut-être un peu ce qu'il peut faire. Alors qu'il était alcoolique, il ne voyait rien. Lorsque l'homme accumule de l'énergie, lorsqu'il a suffisamment d'énergie, une panoplie de questions imbéciles disparaissent, parce qu'en fin de compte, l'homme voit. L'intelligence d'un tiers-monde sur la Terre, c'est comme l'intelligence de vos misères. C'est intelligent. Très intelligent. Pas parce que l'être humain paye pour des vies antérieures. Ça, c'est de la foutaise. Pas parce que l'être humain paie un karma de vie ou de ceci ou de cela. C'est relativement de la foutaise. Pas parce qu'à un moment donné, un dieu de colère se venge. Et pas non plus parce qu'il y a des êtres mauvais sur la Terre. Il n'y a pas d'êtres mauvais sur la Terre. La quantité de mal qu'un humain peut conserver chez lui est égal à la quantité d'ignorance qui l'habite. Il n'est pas mauvais, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est ignorant. La connaissance, disons pour être réel, la compréhension d'une chose n'est pas déterminée par la quantité de connaissances qui habite un individu. La compréhension apparaît lorsque la densité vibratoire de l'être humain est suffisamment en résonance ou en hauteur pour comprendre. Le tiers-monde a un rôle majeur. Les pays pauvres, les pays de misère existent pour permettre aux pays riches et aux pays avec moins de misère d'exister. C'est là un état d'équilibre. Lorsque le pays riche envoie des denrées, de l'argent aux pays pauvres, il ne fait que supporter sa détresse psychologique qui foncièrement accepte le phénomène, mais qui émotivement refuse le phénomène. En même temps que les États-Unis ou que le Canada, disons en même temps que l'Amérique, pourvoient les pays pauvres, ces industries appauvrissent ces pays. Alors, il faut comprendre que fondamentalement, à l'échelle de la planète, un état d'équilibre existe. Il y a le pays riche, il y a le pays pauvre. Et il y a une raison intelligente à ces deux états de choses. Il y a celui qui rit parce qu'il est heureux. De l'autre côté de la rue, il y a celui qui pleure parce qu'il est malheureux. Les deux devraient-ils être heureux en même temps? Dans le contexte actuel des choses, cela est impensable et impossible. Émotivement, l'humain le veut. Depuis des millions d'années que l'homme essaie de créer un état d'équilibre au niveau émotif. Une stabilité émotive. Au niveau de l'âme, au niveau de l'ego, au niveau des plans astraux, la stabilité émotive est un leurre, une farce. Lorsqu'émotivement, l'être humain essaie d'expliquer les tiers-mondes. Lorsqu'émotivement, l'être humain essaie d'expliquer sa merde, ses propres problèmes, il ne peut pas comprendre. Sachez une chose, bien que l'amour ne soit pas une émotion, toute émotion n'est pas intelligente. L'intelligence fait partie de ce qu'antiquement on appelait l'Esprit Saint. Le phénomène extraterrestre le plus bas de la condition extraterrestre. Je ne parle pas d'être extraterrestre. Je parle de ce qui n'est pas rayonné du plan terrestre. Je parle donc de ce qui n'est pas matériellement terrestre, vitalement terrestre, astralement terrestre et mentalement terrestre. Je parle de quelque chose qui n'est pas régi par l'expérience planétaire depuis que la Terre existe. On parle donc de phénomènes outre la Terre, de phénomènes extraterrestres. Si on dit que Dieu est dans l'univers, sachez une chose, c'est qu'il y a une partie de Dieu qui est mauditement pognée, celle qui est régie par le plan terrestre. Au-delà du monde de la mort, au-delà du ciel, il y a les cieux. Il y a le domaine extraterrestre. Il y a de l'intelligence au tiers-monde et il y a de l'intelligence au tremblement de terre. Il y a de l'intelligence aux incendies. Il y a de l'intelligence aux meurtres. Il y a de l'intelligence aux viols, aux enlèvements. Il y a de l'intelligence au chômage. Il y a de l'intelligence au sida, au cancer. Il y a de l'intelligence dans tout ce qui est. On va te laisser jubiler. Tu dis que c'est intelligent, les volcans, les tremblements de terre, même le sida. Mais si l'intelligence, quand elle descend en matière, elle sait que c'est pas comme ça que ça doit être, comment ça se fait? Ça se fait pareil. Une question de femme ancienne. Si c'est intelligent, bien, lorsque l'intelligence descend, elle sait que ça devrait pas être de même. Si ça devrait pas être de même, c'est que c'est pas intelligent. Je te dis que c'est intelligent, c'est donc que lorsque l'intelligence descend, elle s'arrange pour que ce soit comme ça. Elle sait que ça doit être comme ça. Et non pas que ça ne doit pas être comme ça. Question de femme ancienne. Les nations qui sont maintenant considérées comme le tiers-monde, si on les regarde historiquement, c'était des nations puissantes. Est-ce que ça veut dire que les nations puissantes de maintenant vont devenir le tiers-monde de demain? C'est un des immenses stress des gouvernements politiques des nations puissantes. Le Portugal a conquis la planète. L'Espagne aussi. La Chine aussi. La Mongolie aussi. La France aussi. L'Angleterre aussi. Les Japons aussi. Et on peut en nommer plusieurs, l'Allemagne, etc., etc. Et présentement, s'ils ne font pas tous partie du tiers-monde, l'Inde a conquis. Puis on peut en nommer, comme je dis, une panoplie, l'Égypte, etc., etc. Plus un peuple apothéose est vieux, plus si tu l'observes aujourd'hui, tu te rends compte qu'il fait partie du tiers-monde. Et il y a donc une dégradation, et au fur et à mesure que l'on s'en va, le peuple qui présentement est haut d'apothéose passe à l'apocalypse et lentement, il descend. Pourquoi les États-Unis d'Amérique se fendent-ils la tête en plusieurs parties pour essayer justement d'avoir un monopole sur la planète? Parce qu'elles savent très bien, ces États-Unis, qu'à un moment donné, après cette apothéose qu'ils ont connue il y a quelques années, il y a de fortes chances que l'apocalypse apparaisse. C'est-à-dire que de crise économique en crise économique, qu'on arrive à une espèce de tiers-monde majeur. L'URSS connaît la même chose. L'URSS est un peu comme les États-Unis, c'est sa partie opposée, c'est-à-dire que c'est l'Union des républiques socialistes, tandis que l'autre, c'est les États-Unis. Ce sont donc une partie d'États, un paquet d'États, au niveau soviétique comme au niveau américain, qui se sont affiliés ou qui se sont fait affilier, dépendant des contextes politiques. Les États-Unis d'Amérique ne deviendront pas un tiers-monde pour la simple raison que leur apothéose n'a pas été atteinte. Les États-Unis d'Amérique considèrent leur apothéose passée et ont peur de cet apocalypse. Leur apothéose est à venir. Ils auront donc un rôle à jouer massif au niveau des conditions planétaires dans les 50 prochaines années. Le Québec ésotérique, donc le bouclier canadien, a évidemment une apothéose qui va apparaître dans quelques milliers d'années. Alors, est-ce que le Québec peut devenir, on va vous poser la question telle comme elle a été posée à un moment donné, est-ce que le Québec peut devenir un tiers-monde? Oui. Le Québec peut devenir un tiers-monde, évidemment, parce que le Québec est assujetti présentement au Canada, qui est tout à fait assujetti aux États-Unis d'Amérique, qui, eux, sont dépendants du reste de la planète. Maintenant, est-ce que le Québec va devenir un tiers-monde? Non. Mais il peut. Alors, comment pouvons-nous dire non s'il peut? Est-ce que c'est intelligent que le Québec devienne un tiers-monde? Non. Est-ce que, émotivement, est-ce que si on regarde spéculativement, d'une façon économique, les probabilités du Québec d'avoir des crises extrêmement graves, on pourrait envisager qu'effectivement, il y a des chances que le Québec finisse, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Canada, par avoir un manque d'à peu près toutes les ressources. Et le premier manque de ressources sera les ressources humaines. L'être humain, présentement, se fait en mille pour essayer de trouver des ressources matérielles, comme du pétrole, des ressources minières, etc. Qu'est-ce qui va manquer à un moment donné à l'homme? Ce ne sera pas la ressource minière, mais la ressource humaine. L'être humain, dans les contextes industrialisés, voudra de moins en moins travailler. L'être humain voudra de moins en moins travailler à être mineur, à être rechercheur de ressources. L'être humain voudra de plus en plus, parce que l'être humain vibre, l'être humain est légèrement effleuré par l'intelligence qui lui fait dire émotivement, donc il a carrément dégradé l'intelligence, il l'a émotivisé, qu'effectivement c'est plus plaisant de pas travailler puis d'avoir des ristournes. Ce n'est pas plaisant de travailler comme un chien pour avoir la nourriture d'un chien, sauf qu'au niveau de l'homme nouveau, on ne parle pas de plaisant, on parle d'intelligent. Est-ce intelligent? L'homme ancien demande, est-ce plaisant? Les alignements entre l'un et l'autre, l'un émotivise, tandis que l'autre intelligentise. Le Québec ne deviendra pas un tiers-monde, les États-Unis d'Amérique le deviendront dans plusieurs milliers d'années. Leur apothéose va venir. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, il y a différentes sortes de tiers-monde. Le tiers-monde sur la planète Terre est présentement la région planétaire la plus riche du monde. Mais on a encore dans notre saloperie de tête émotive l'idée que le tiers-monde est le contexte le plus pauvre du monde. Les deux tiers-mondes sont pauvres. Le tiers-monde est riche. Bon, lorsqu'on envoie de l'argent au tiers-monde, on envoie de l'argent aux deux tiers-mondes. Parce que le tiers de la planète est riche. Et si on a trois tiers de la planète qui cultive, c'est un tiers qui bouffe tout. Le tiers-monde est riche. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre et d'autres pays font partie du tiers-monde. Le tiers riche. Tout le reste font partie du deux tiers-monde, le deux tiers pauvre. Est-ce qu'il faut comprendre? Bon, est-ce qu'on va devenir un jour un tiers-monde? On est déjà un tiers-monde dans le sens riche, on ne deviendra jamais pauvre pour la simple raison que l'humanité, à un moment donné, va abandonner différentes parties de la planète Terre et on aura aussi un jour, disons, un habitant ou une famille d'habitants par plusieurs kilomètres carrés. Ça ne sera pas comme on a aujourd'hui, où on a un habitant par une famille d'habitants superposés en bloc, dans des villes comme aujourd'hui. L'intelligence de l'évolution, l'intelligence de ce tiers-monde est simplement ceci. L'être humain n'est pas sur la planète Terre pour être heureux. Le bonheur est un chemin, le malheur est un chemin, l'humain peut choisir. L'humain, considérant, et cela fait partie de son instruction archétypale, cela fait partie du mensonge cosmique qui a induit cela dans l'ego de l'homme, dans l'âme de l'homme, l'humain considérant le bonheur comme étant un but, lorsqu'il trouve le chemin, il ne veut plus bouger. Le bonheur est quelque chose qui ne peut être goûté que lorsque l'on est vivant. Lorsque l'on est vivant, on ne peut pas être stagnant. Lorsqu'on est vivant, on ne peut donc pas vouloir mémoriser une condition d'expérientiel. Lorsqu'on est vivant, on ne peut donc pas vouloir rester là. Lorsque l'être humain tombe sur le chemin du bonheur, qui est un chemin, il veut le garder, il veut cesser d'avancer, il ne veut pas continuer, il veut le mémoriser, et automatiquement il perd le bonheur étant relatif à la vie. Le bonheur est un chemin, le malheur est un chemin, les humains se rendent à la même place. Certains souffrent, certains ne souffrent pas, et la majorité des hommes se promènent des bords à l'autre, sans trop savoir pourquoi, pensant que là est le but. Il faut comprendre une chose. Toutes les religions planétaires de l'homme instruisent l'être humain qu'il doit être heureux. Et lorsque l'humain veut abandonner sa religion parce que son bonheur matériel ou terrestre, il ne le trouve pas, la religion transcende ce problème en parlant d'un paradis terrestre, d'un nirvana, d'une condition extra-vie, où là, au moins, il y aura le bonheur. À travers tous les mensonges qui ont été légués à l'humain, lorsque l'homme a été terrestrifié, il reste toujours le cadre du mensonge qui est la réalité. La coloration de cette réalité devient la vérité. La coloration de la vérité devient le mensonge. À travers cette réalité, le bonheur est un phénomène intéressant. L'être humain peut considérer de vivre heureux. Sauf que l'être humain a souvent pensé que l'évolution devait se faire dans la souffrance. L'évolution se fait. L'évolution n'est pas régie par l'homme, elle est régie par les luttes folles entre l'ignorance et la connaissance et l'intelligence. Lorsque l'homme envisage sa vie, pour ne pas se sentir coupable égoïquement, et sachez que vous vivez tous comme ça, on aimerait que les autres vivent comme nous. Ou du moins, on aimerait comprendre pourquoi nous avons cette chance. Cela est une tentative un peu dedans. Lorsqu'il voit la souffrance, il souffre donc automatiquement un peu, parce qu'il est collectif. L'homme nouveau étant individuel dans sa conscience, lorsqu'il voit de la souffrance, il voit de la souffrance. Il n'en souffre pas. S'il voit l'intelligence de cette souffrance, il la laisse. S'il voit l'inintelligence de cette souffrance, il la règle. Il n'a pas besoin d'être pris par les tripes pour agir. L'homme ancien a besoin d'être émotivisé, d'être pris par les tripes, par l'émotion. Il doit souffrir. Lorsque l'être ancien, lorsque l'homme ancien chez vous, voit à la télévision ou dans les journaux des drames se passant dans le tiers-monde, il se sent touché et on vise publicitairement ses cordes émotives. Lorsque l'être ancien est touché, il essaie d'expliquer, de supporter sa culpabilité par ses questions. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je né dans ce pays? Pourquoi ai-je la chance de ne pas être handicapé? Ça ne regarde peut-être pas nécessairement le tiers-monde, mais ça regarde vous-même. Pourquoi certains d'entre vous comprenez des choses tandis que le reste de votre famille ne comprend rien? Pour la simple raison qu'il est sine qua non, donc essentiel, que un ne comprenne pas pour que l'autre comprenne. C'est une observation, mais on va aussi maintenant expliquer l'intelligence de ce mécanisme. Je crois d'ailleurs que la majorité, vous êtes déplacés pour cela. On doit de temps en temps englober cosmiquement le phénomène planétaire de l'homme. Si on l'englobe d'une façon nombritique, à partir du nombril de l'homme, de sa conscience limitée, on ne pourra jamais arriver à comprendre et à cerner les choses. Lorsqu'un homme marche sur la terre et qu'il a soif, lorsqu'il rencontre une rivière, une source, il boit et il se dit « c'est intelligent qu'il y ait de l'eau ». Lorsqu'un autre homme marche sur la terre et qu'il a soif, et qu'il rencontre un marécage et qu'il vient pour boire et qu'il sent l'eau nauséabonde, il se dit « Quelle intelligence y a-t-il à ce qu'il y ait de l'eau pourrite? » À partir de ces constatations, l'humain crée des philosophies théologiques, morales et politiques, lui disant et lui donnant la possibilité de dire « On doit changer les choses. Lorsque j'ai soif et que je rencontre un marécage, c'est stupide. On va donc détruire les marécages. » Les marécages abritent le castor. Les marécages abritent les grenouilles, différentes espèces de poissons, camouflent différents oiseaux, plusieurs insectes. Et les marécages ne sont pas constitués pour l'homme. Mais parce que l'homme voit l'évolution de la Terre à partir de sa propre conscience limitée, il ne peut pas comprendre. Un jour, un jeune me demandait « À quoi ça sert les bêtes puantes? Ça sert à rien. » Et je lui répondais « À quoi ça sert l'homme? Ça sert à rien. » Et il avait compris. Si ça sert à rien, ça a au moins le droit d'être. Parce que si l'homme sert à rien, lui voulait continuer à être. Plus le Québec va évoluer, plus des pays vont s'autodétruire. Plus les pays civilisés énergétiquement vont augmenter leur quota d'énergie, plus le reste de la Terre va tendre à être éliminé. C'est une condition essentielle à l'évolution de l'homme. Ceux qui se croient chanceux d'être venus au monde dans une région plus énergétique, vous pouvez cesser de vous sentir chanceux, ce n'est pas question de chance, c'est question d'intelligence, et ce n'est pas vous qui avez choisi. Lorsque la planète Terre existe, est apparue, lorsqu'elle s'est solidifiée, on a déjà expliqué souvent ce phénomène de la création, où lorsqu'une énergie érigée par une densité spatiale et temporelle de plus en plus grande, elle perd sa vitesse vibratoire. Tout à l'heure, j'ai dit que la compréhension était question de vitesse vibratoire et d'énergie. Lorsqu'elle perd sa vitesse vibratoire, elle perd aussi son intelligence. Lorsqu'elle est suffisamment temporalisée, réduite par le temps, elle devient de la matière. Sur cette matière orchestrée par cette même énergie, l'énergie vitale, qui va révéler la matière, va à un moment donné naître une force de gravité, l'amour. Un amour qui n'est pas émotif, un amour qui est attractif. Les choses matérielles s'agglomèrent les unes sur les autres dans des crises folles qui vont être la naissance d'une planète. Ces crises folles sont des luttes massives entre de l'hydrogène, entre de l'hélium, et lentement, il y aura apparition du lithium, il y aura apparition du carbone, de l'oxygène, et lentement, au fur et à mesure que la stabilité atomique tendra à s'instaurer, on aura l'apparition de tout un tableau, de tout un tableau périodique d'éléments, pour finalement finir avec des éléments neufs, californium, einsteinium, etc. et d'autres. Sur ces choses, à travers les luttes, vont apparaître différents phénomènes. Des molécules, la constitution de cristaux, le charbon, par exemple, qui est du carbone pur, le diamant, qui est du carbone pur. Mais selon l'agencement des cristaux, on aura une pierre presque incassable et translucide comparativement à une autre pierre facilement effritable et totalement opaque. Mais c'est la même chose. On aura l'apparition d'acides aminés. On aura l'apparition d'ammoniac. On aura l'apparition de d'autres formes d'acides. C'est une lutte folle. À travers l'apparition des acides aminés, va pouvoir être supportée une énergie vitale un peu plus haute. Cette énergie vitale aura la faculté d'agglomérer autour de l'acide aminé d'autres prototypes de molécules, ce qui lentement va créer le premier prototype d'intelligence d'amélioration, une intelligence qui sera capable, non pas par conscientisation, mais par application instinctive, c'est-à-dire immédiate de sa propre vibration, d'accumuler minéraux sur minéraux, molécule après molécule, atome après atome, et lentement de pouvoir transformer sa propre vibration en une forme procréative pouvant permettre le mimétisme évolutif, la copie, la reproduction. Par spore, par transpiration, par scission, comme les cellules le font encore aujourd'hui, on aura lentement accès à un prototype de vie. Lorsqu'à un moment donné, la structure vitale et la structure minérale, disons matérielle, atomique de la planète Terre, est suffisamment orchestrée et orchestrable, les énergies qui continuent à descendre et à être ralenties sont supportées par celles déjà arrêtées. Va apparaître à cet instant l'âme. En même temps qu'apparaît l'âme, apparaît l'homme. En même temps qu'apparaît l'homme, apparaît le ciel. Le ciel et la terre, terre telle que nous la connaissons du point de vue hominal, est créée en même temps. Le potentiel d'énergie de ce qui est énergétiquement espritisé, ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit n'habite pas la terre. Elle a des tentacules sur la terre, à l'intérieur des hommes. Lorsque cet esprit pénètre le schéma de notre Terre, la molécularisation ou l'atomisation de notre Terre n'est pas suffisamment apte, à pouvoir supporter un faisceau énergétique qui, s'il arrive dans un seul faisceau, ferait simplement éclater la Terre. Ces choses sont un peu grandes pour l'humain. Qu'est-ce que vient foutre toute cette phénoménologie dans l'évolution individuel de nos petits malheurs? Vous souffrez parce que vous habitez la Terre. C'est donc intéressant de comprendre pourquoi la Terre a telle ou telle constitution évolutive, parce que vos souffrances en sont directement reliées. Lorsque l'énergie pénètre le contexte de la Terre, elle entre en lutte avec ce qui existe à l'échelle de notre planète et là va tendre encore une fois une évolution vers l'équilibre, vers l'harmonie. Ce qui est intelligent arrive sur le contexte de notre planète doit être décapé. Ce décapage crée une explosion lorsque cette énergie, lorsque vous avez apparu, lorsque vous avez été terrestrifié. Lorsque l'être humain est terrestrifié, qu'il commence à avoir un peu de conscience, il devient terrorisé. Lorsqu'il est terrorisé, il engendre les religions le rassurant, poursuivant sa terrestrification. On appelle ça être grandé. À un moment donné, il faut être terrestrifié, puis il faut lentement que ce qui ne doit pas l'être commence son ascension. Ce qui doit l'être doit rester terrestrifié. Donc, on a une sphère planétaire qui contient un potentiel intéressant de probabilité de gestion équilibrée et progressante des molécules et des atomes. On appelle ça la vie végétale. On appelle ça, à un moment donné, la vie animale. Et à travers certains animaux, à un moment donné, la constitution biologique et génétique de certains animaux permettent à cette intelligence qui continue à descendre de pouvoir s'arrêter dans une conscience nouvelle, l'âme. Vous savez que l'âme, c'est de la merde. Et on est rendu au-delà de l'âme. Mais l'âme continue à gripper l'homme par les fesses et essaie de l'empêcher de continuer son ascension. L'âme se prend pour l'esprit. Et l'âme a constitué toute la terminologie évolutive sur le contexte planétaire. Sauvons notre âme. Tu as une belle âme. Et patati patata. Tel village contient 825 âmes. Contient aussi 825 esprits. Lorsque ce contexte animal est suffisamment puissant pour recevoir de l'intelligence, même si l'intelligence arrive d'une façon aberrée, ce qui descend ne peut pas continuer, ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que la planète Terre commence à avoir un filtre qui va filtrer l'ultraviolet, qui va filtrer les rayons cosmiques et qui va filtrer donc tout ce qui sera au-delà de la lumière. C'est notre atmosphère. L'endroit où va être constitué le ciel, le monde de la mort. Lorsque cette énergie, disons, arrive là-dessus, une grande partie de son enveloppe éclate et elle va rester en orbite autour de ce ciel. Et c'est cette chose qui a été ouverte et déchirée par le Nazaréen lors de son passage et lors de sa descente aux enfers, les trois jours, disons, où il est disparu après sa crucifixion. Lorsque vous êtes arrivé ici, la majorité de votre pelure d'intelligence éclate et enveloppe le contexte du monde de la mort, et vous pénétrez, et vous ne savez plus ce que vous êtes. Lorsque une forme biologique supporte l'homme, cette intelligence qui maintenant le pénètre, il ne reste qu'une mémoire très floue de ce que cela a été avant d'être sur la Terre. Et cette mémoire très floue, c'est le petit contact qui reste entre l'énergie maintenant hominisée, qui est maintenant dans un corps d'animal, l'homme. Le petit contact entre cette énergie dans l'homme et l'éclatement à l'échelle de notre planète. Cet éclatement étant perçu par le dessous, c'est-à-dire que cet éclatement étant perçu premièrement coloré par le monde de la mort et deuxièmement perçu en deux dimensions à l'échelle de notre planète, ne peut pas révéler clairement les cinq dimensions des mondes extraterrestres. Alors, l'être humain, lorsqu'il, par ce petit canal qu'il appelle l'intuition, entre en communication, fouille dans sa mémoire pour savoir d'où il vient, il ne peut avoir que le seul vestige de son éclatement de ce qui entoure le monde de la mort. Et automatiquement, et ce phénomène s'appelle aussi les archétypes cosmiques, l'être humain a donc une seule réponse, c'est qu'il a été créé. Il s'est créé, mais ça, il ne le sait plus. Il ne peut pas le savoir et il ne doit pas le savoir jusqu'à, voilà, peut-être 200 ans. Lorsque l'être humain habite cet animal, il augmente le potentiel vibratoire de cet animal et tous les animaux qui ne seront pas habités vont à un moment donné vouloir survivre et vont engendrer des procréations avec les autres animaux d'ordre inférieur, c'est-à-dire les animaux qui n'avaient pas la biologie génétique suffisamment orchestré et orchestrable pour supporter l'intelligence amique à l'époque de l'homme. Ces êtres se mélangeant avec les animaux vont engendrer toutes les espèces de singes que l'on connaît sur la planète. Ceux qui, maintenant, contiennent ce contact espritique avec eux-mêmes vont devenir différentes sortes d'hommes. Et à travers ces différentes sortes d'hommes, il y aura encore une fois la guerre. Lorsqu'à l'échelle de notre planète, ce faisceau spritique est divisé en plusieurs millions et en plusieurs milliards de contextes humains, il y aura donc différents contextes humains, différents hommes et différentes femmes. La sexualité apparaît Un peu plus tard, lorsque la nécessité de développer un corps neuronique et un corps laryngé permettant l'expression du verbe et la gestion mentale de l'émotion, lorsque l'énergie vitale du corps de l'animal doit maintenant être divisée en deux, l'une partie pour la reproduction, l'autre pour la gestion neuronique et laryngée, automatiquement, l'être humain ne peut plus se reproduire comme il le faisait avant, d'une façon hermaphrodite, comme le font encore les cellules, comme le font encore plusieurs animaux. À cet instant, la sexualité va apparaître parce qu'elle est essentielle. Le véhicule de l'homme n'est pas génial et une panoplie d'autres êtres biologiques vivants seront tripotés par l'intelligence supramentale, la partie la plus basse qui peut toucher au contexte terrestre, et une panoplie de mammifères vont apparaître. À travers cela, le corps le plus résistant sera celui qui aura été maintenant adaptativement évolué par la conscience intelligente et donnera l'homme d'aujourd'hui. Les autres animaux n'ont plus de raison évolutive. Ils sont là parce qu'ils ont été créés par l'intelligence, ce qui maintenant habite les corps animaux qui sont présents ici et qui existent sur la planète. Vous n'êtes plus des animaux, vous êtes des êtres humains et à un moment donné, vous serez des humains ou des êtres. Lorsque le phénomène biologique hormonal aura été transcendé par votre faculté intelligente. Lorsque l'animalité apparaît, lorsque l'homme apparaît dans le contexte terrestre, il y a une raison d'être. L'intelligence n'a pas été terrestrifiée pour les beaux yeux d'un dieu quelconque. C'est justement ce dieu quelconque qui est venu s'éclater sur le plan terrestre et qui a engendré l'homme. Dans ses énergies hautement supérieures du plan de l'homme, ce que l'être humain tente d'appeler Dieu dans un langage inapproprié, de ces énergies intelligentes, plusieurs n'ont pas la vibration aussi haute que celle de l'homme. J'ai dit souvent, et je le répète, que le problème de Dieu, ou le problème de toutes les énergies que vous respectez et honorez, et adorez et admirez, le problème de ces choses, c'est qu'elles sont dans un déplacement involutif qui se finalise par la matière. Ce que la majorité des humains sur la planète vénère et respecte est de deux ordres. La mémoire archétypée du monde de la mort ou bien l'énergie au-delà du monde de la mort qui descend chez l'homme. Lorsque je dis ceci, la majorité des humains vont répondre « Oui, mais moi, c'est la partie au-delà du monde de la mort. » C'est faux, dans la majorité des cas. Lorsqu'on adore un crucifix, on adore le monde de la mort. Lorsqu'on adore une icône d'un saint, on adore le monde de la mort. Lorsqu'on adore le dessin d'un dieu, on adore le monde de la mort. Lorsqu'on adore une statue, on adore le monde de la mort. Pas vivant, ces choses-là. C'est simplement une représentation, c'est pour symboliser. Quand on a besoin de symboliser, c'est parce qu'on a besoin de se rappeler. Quand on a besoin de se rappeler, c'est que c'est mémoriel. La mémoire n'est pas de la vie. C'est partie du monde de la mort. Et ça peut être une église, une cathédrale, un monastère, une terre, n'importe quoi. C'est symbolique, c'est relié au monde de la mort. Ça marche. Mais c'est aussi le problème de l'homme. Le monde de la mort. L'être humain est assujetti au monde de la mort et c'est normal, il le nourrit. L'autre personne qui me dit, moi, c'est ce qui est au-delà du monde de la mort. C'est bien. Mais tout ce qui est au-delà du monde de la mort a une fonction pour l'instant, devenir ce monde de la mort. Lorsque l'homme veut entrer en communication avec une entité au-delà du monde de la mort, il entre automatiquement avec une entité qui est en phase d'involution. Étant donné que par différence de potentiel, elle est vibratoirement plus haute que l'homme, elle donne évidemment l'illusion à l'homme qu'elle est supérieure à l'homme. Elle l'est. Mais l'être humain, l'homme, la femme, l'enfant, lorsqu'il va intuitivement découvrir que cette chose a une tendance à évoluer, qu'elle se rempire et qu'elle ne s'améliore pas, même si elle améliore l'homme à son contact, elle va conceptualiser émotivement ce contact et là, elle va se foutre de ce contact et elle va maintenant décider que cette chose, elle est parfaite. Pour que l'être humain puisse dire qu'une chose est parfaite, il doit être parfait. Parce que sinon, il se base sur de l'ignorance. Dieu est parfait, Dieu est partout, Dieu est dans l'homme, l'homme est imparfait, Dieu est imparfait. C'est logique. Lorsque l'être humain entre en contact avec une partie, lorsqu'on dit que le Nazaréen a sauvé l'homme, le Nazaréen a sauvé l'homme pour une panoplie de raisons. Par son contact avec un corps humain chez Joshua, donc le fils de Joseph, il a su engendrer une vibration dans le monde de la mort qui permettait maintenant à un contact nouveau d'apparaître. L'Esprit Saint, très coloré, la colombe, l'ajusteur de pensée. Mais le Nazaréen, lorsqu'il a été capable de défoncer le plan du ciel, lorsqu'il a ouvert le ciel aux hommes, vous savez que lorsqu'il a ouvert le ciel aux hommes, cela a été tout à fait récupéré par la théologie astrale et amique de l'homme. Lorsque le Nazaréen a ouvert le ciel à l'homme, il a permis à l'homme qui maintenant va dans le monde de la mort, dans le ciel, de pouvoir s'échapper du ciel. Avant le Nazaréen, toutes les âmes allaient au ciel. Après le passage du Nazaréen, certains hommes seront maintenant capables de traverser le ciel et de s'en sortir. Ces hommes font partie de ce que j'appelle l'homme nouveau. Lorsque l'être humain, dans son contexte, ne sait pas qu'il est là pour accumuler des strates de vibration, donc des strates d'évolution, de façon à ce qu'à un moment donné, l'énergie qu'il adore et vénère et qui descend, l'énergie qui devient de la merde, l'énergie divine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à un beau radis de sortir du sol, elle le vitalise, un beau gros radis, puis à un moment donné, il y a un être, un pape, un grand gourou, un grand maître qui passe par là et qui prend le radis et qui le bouffe et c'est un radis divin. Puis quand il va aux toilettes, c'est de la merde qui chie. Ben, l'énergie qui est partie de là finit toujours comme ça. L'être humain se voit être un outil entre le plus bas palier moléculaire de la constitution énergétique et là d'où ça part. Un jour, on va en parler d'où ça part. L'être humain est l'outil entre les deux. L'être humain a un corps matériel, hautement matériel. Il a un corps vital, il peut donc manger, transformer ce qu'il mange et l'adapter à son corps. Il peut gérer l'atomique et le moléculaire. On appelle ça la digestion. C'est même si on connaît la digestion depuis longtemps, c'est extraordinaire au niveau de la conscience de l'homme. La science explique le mécanisme, mais c'est pourquoi ça marche. Lorsque l'être humain a la faculté de transformer l'énergie vitale, l'être humain a la faculté amique de mémoriser, d'émotiviser et de désirer. C'est là qu'il se prend pour un autre. C'est là qu'il se prend au sérieux. Et l'être humain a à un moment donné la faculté mentale de légiférer sur sa vie. À partir de ce moment donné, l'être humain a atteint le plus haut palier du monde de la mort, du ciel, même s'il est vivant. Parce que l'être humain, dans un corps physique, est dans le monde de la mort de toute façon. Dans le monde de la mémoire, il peut entrer en contact avec les disparus, etc., etc., etc. Au-delà de ça, l'énergie qui continue à descendre peut maintenant s'appuyer sur cet homme debout et ne pas pénétrer le contexte de la planète Terre. Donc, ça ne devient pas un radis pour finir dans une bolle de toilette. C'est ça le rôle de l'homme. L'être humain n'est pas sa planète pour être heureux. C'est l'ego qui pense ça. Cet esprit, lorsqu'elle arrive sous le contexte planétaire, elle se divise, la Terre ne peut pas la supporter. Se divisant, elle pénètre une panoplie de corps animal et les anime d'une façon émotive, intelligente apparemment, pour constituer l'homme. Dans cette phase, il y a une partie de l'homme qui, montant en vibration, va automatiquement en s'entrer en contact avec l'archétype. L'enveloppe que cette énergie a laissée lorsqu'il a pénétré le contexte terrestre. Lorsque l'ego entre en contact avec cette chose, l'ego se fait dire par cette chose qu'il est un être de Dieu. Et à partir de ce moment donné, l'ego découvre la vie. Découvrant la vie, il ne veut pas mourir. Découvrant tout ce qu'il peut percevoir par ses sens, parce que les tentacules de l'âme sont les sens biologiques. Le goûter, l'odorat, etc. Alors, automatiquement, cet ego prend plaisir à la vie. La majorité des intelligences extraterrestres ne veulent pas venir sur le plan terrestre parce qu'il y a un danger majeur, celui d'apprécier la vie terrestre et de vouloir y rester. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme. Et c'est normal. Ça devait être comme ça. Fallait que l'homme reste. Parce que si l'homme descend sur la Terre, qu'il voit juste là des conneries, il s'en va. Jamais l'outil essentiel dans toute cette création universelle ne pourra être créé. Une entité qui sera capable d'avoir un corps physique, un corps vital, un âme temporaire, un corps mental, une intelligence supramentale, et puis finalement grimper vers plus haut, tout en restant matériellement présent. C'est essentiel. Vous n'êtes pas sur le plan terrestre pour être heureux. Vous n'êtes pas sur le plan terrestre pour être en paix. Vous êtes sur le plan terrestre pour vous-même. Vous êtes sur le plan terrestre pour empêcher que toute la création devienne de la matière. Ça échappe tout à fait à la conscience limitée de l'homme. Du point de vue cosmique, c'est le rôle fondamental de l'homme. Pour que cela arrive, l'être humain, lorsqu'il descend sur le plan terrestre, a une seule idée, sacrer son camp, d'où l'idée d'évolution. Retourner vers Dieu. On place donc un monde apparemment divin que l'humain va créer, le monde de la mort, le ciel, et là, l'homme va inventer une panoplie de Dieu selon la résonance vibratoire du faisceau espritique qui l'habite. Lorsque le ciel est créé, l'être humain est maintenant assujetti au monde de la mort. Toute l'expérience évolutive qu'il fait est une expérience mémorielle. J'ai eu 12 ans, j'ai déjà été un enfant, dans mon bon vieux temps. Il s'est passé ceci. Comment se fait que ça est arrivé? Toute la vie de l'homme est basée sur sa maudite mémoire. Présentement, l'homme n'a pas le choix. Mais ce n'est pas avec les choses qu'on ne savait pas dans le passé qu'on va comprendre l'intelligence des choses qu'on doit savoir dans le présent. L'être humain fonctionnant là-dedans, lorsque l'être humain meurt, il s'en va dans son monde de mémoire. L'homme s'en va dans le monde de la mémoire, le monde de la mort. Donc, elle ne peut pas traverser, donc elle ne connaît rien. Et à un moment donné, les corps physiques par attraction vont attirer de l'énergie vitale lorsqu'un enfant neuf est fécondé. Et lentement, du monde de la mort, des parties astrales, donc des parties amiques de ceux qui sont morts, commencent à revenir dedans et ça crée un phénomène réincarnatif qui permet à l'être humain de continuer. L'esprit lui reste présent et expérimente la matière de façon à l'orchestrer pour qu'elle augmente son potentiel d'énergie. C'est ça, l'évolution. Sauf que toute l'évolution de l'âme est conçue en fonction de faire évoluer l'âme. L'âme, ça n'évolue pas. L'âme, c'est stagnant, c'est mémoriel. Ça apprend, ça connaît. Mais ça ne comprend rien de l'âme. L'intelligence ou l'esprit chez l'homme peut comprendre des choses. L'intellectuance va expliquer à l'âme. Puis encore là, c'est une vraie folie. L'âme recherche la vérité. L'âme se fout de la réalité. C'est normal. La vérité est de l'intellectualisation de la réalité. Un arbre, c'est un arbre. Ce n'est ni beau ni laid, c'est un arbre. La vérité, c'est que tout est beau. Voilà, ça c'est la réponse de l'âme. Elle émotivise. Tout n'est pas beau, tout n'est pas laid, tout est ce que c'est. Et si l'homme arriverait à laisser les choses comme elles sont, toutes vos souffrances s'en iraient aux poubelles. Mais ce n'est pas le temps. Bon, l'homme n'est pas prêt. Lorsque l'être humain, dans ce contexte d'évolution, lorsque l'âme apprend, l'âme doit constituer une mémoire tampon, un ciel de plus en plus puissant, de plus en plus énergisant, pour la simple raison que plus l'être humain va évoluer, plus il aura de tendance à crisser son camp. Excusez le terme est parfait. L'énergie christique est ce qui sauve l'homme. Alors, crisser son camp veut dire effectivement évoluer. Bon, c'est un terme parfait qui fait encore vibrer les âmes de certains. Le Christ a été christifié et il a crissé son camp. Bon, c'est un fait. L'énergie christique, c'est l'énergie supramentale. C'est ça qui maintenant touche la tête de l'homme et qui va transformer l'homme ancien en homme nouveau. Les souffrances de l'homme se font comme ceci. Lorsque l'esprit descend dans plusieurs corps de façon à explorer différents domaines, de façon à engendrer une expérience qui va servir de mémoire au monde de la mort, de façon à créer un phénomène manipulateur qui pourra maintenant manipuler les races, les nations, les familles et les peuples et les individus, lorsque ça pense dans votre tête, ça vient de là. Lorsque vous rêvez, ça vient de là. Lorsque vous avez peur puis qu'il n'y a rien, ça vient de là. Lorsque vous souffrez, ça vient de là. Lorsque vous vous ennuyez, c'est un charriage du monde de la mort. Lorsque vous, etc., ça vient de là. Il y a quelque chose de vivant. Mais tout ce qui vient de là, vous, quand vous voulez l'arrêter, vous verrez que ça ne s'arrête pas comme ça. Comment l'arrêter? Évoluer! Comment évoluer? Méditer! Plaguez-vous, monde de la mort! En échange, on va se faire ma gueule dans votre tête. Mais vous n'en êtes pas sorti. Vous pensez en être sorti. Plaguez-vous à des maîtres. Ben, les maîtres font partie du monde de la mort. Ils ont été créés par des humains dans le passé. Quand t'es plugué un maître, ben là, il y a un échange qui se fait. On vous laisse dormir un peu plus. Mais le maître va commencer à vous têter, puis le maître va finir par devenir un vrai maître, c'est-à-dire qu'il va vous maîtriser. Parce qu'un maître maîtrise toujours les autres, pas lui. Lorsque l'être humain, son esprit pluralisé en différents individus, crée cette chose, il y a une fonction qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'esprit divisé dans tout ce qui se passe sur la planète se devra de revenir se rassembler. Pour revenir se rassembler, ça nécessite un processus réincarnationnel intelligent et ça nécessite que les esprits dans les différents corps s'unissent dans un corps. Pour que les esprits s'unissent dans un corps et qu'une panoplie de zombies n'apparaisse pas sur la planète, il faut donc que les humains soient consentants pour, premièrement, que la majorité de leur énergie d'évolution soit placée là où il y a le plus d'évolution. Si moi, je suis du même esprit que Diane et que Diane vit dans une région où elle pourra apprendre mauditement mieux que moi, c'est normal que la majorité de mon esprit s'en aille chez elle. Son contexte sera meilleur, le mien sera de la vraie merde. Savez-vous pourquoi? Parce que si j'aurais trop d'esprit dans cette merde-là, je pourrais pas rester là. Alors, je vis donc dans un tiers-monde, je vis donc dans des problèmes souffrants, je vis donc dans des problèmes amenuisants, pour permettre à d'autres qui sont reliés à moi de pouvoir, eux, faire le pas. Lorsque ces personnages vont faire le pas et qu'ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui va arriver avec moi? Moi, je vais vivre dans un contexte de tiers-monde. On vit toute la même expérience. On va mourir. Dans le monde de la mort, on se fusionne, on se réincarne dans elle. Cela veut simplement dire que parce que je donne mon énergie chez quelqu'un ou dans un ou chez un individu qui a un potentiel biologique de supporter de l'intelligence, lui monte. L'être humain émotivise continuellement toute la démarche améliorative de l'homme. Il voudrait avancer plus vite. Il aimerait, évidemment. Il aimerait que les autres puissent le suivre. Il aimerait avoir un maître ou avoir un guide. Il aimerait être Dieu. Il aimerait ne plus souffrir. Il aimerait que la guerre n'existe plus. Il aimerait que le millénium arrive. Il aimerait savoir si la mort est une fin ou non. Il aimerait savoir si le paradis existe. Il aimerait aimer tout le temps. Et toute la démarche de l'homme est donc un phénomène émotif. Mais y a-t-il une raison intelligente que le paradis existe? Y a-t-il une raison intelligente que la guerre cesse ou que la paix reste? Y a-t-il des raisons intelligentes au désir de l'homme? Plus il y aura d'évolution sur certaines régions de la planète, plus le reste de la planète sera disloqué. 144 853 élus. Cela veut dire que toute l'humanité devra être rassemblée à travers ses élus. Il n'y a pas un humain qui va être oublié. Et pour que cette condition exclusive apparaisse, les tiers-mondes sont nécessaires. Pour la faible raison que les corps physiques n'ont aucune importance individuellement, la race humaine est importante. Cosmiquement, on peut éliminer 3 millions d'humains et ça ne dérange rien. On élimine 3 millions de corps physiques, entendons-nous bien. Mais on ne doit pas et on ne peut pas éliminer la race humaine. C'est autre chose. Toutes les âmes qui présentement constituent le monde de la mort se sont accaparées d'une partie d'un faisceau de l'esprit. Il y a 12 faisceaux de l'esprit dans notre contexte galactique et 144 000 et quelques dans le contexte planétaire. Ces 12 faisceaux se sont donc redivisés en 12 faisceaux et quelques. Lorsque l'être humain de l'Antiquité, lorsque l'homme ancien amifié avec une âme, a une résonance qui lui permette d'accepter inconditionnellement son état, cette résonance, elle est espritique. Et cet esprit est une pluralisation d'un des 144 000 esprits faits en faisceau qui pénètre notre contexte terrestre. Alors, les hommes plutôt sont frères et sœurs en esprit, sauf qu'étant donné qu'il y a 144 000 quelques esprits, il y aura donc 144 000 quelques religions, théologies ou forces d'évolution. Il y aura des guerres entre eux. Tant que ceux-ci ne se seront pas ralliés sous 12 faisceaux pour finalement se rallier sous 3 faisceaux, pour finalement se rallier sur un faisceau. Le rôle fondamental de l'homme est d'empêcher l'expansion de l'univers. Le rôle fondamental de l'homme est finalement, dans quelques milliards d'années terrestres, de faire en sorte que la création n'existe plus. C'est le rôle de l'homme. Émotivement, l'être humain découvrant la vie par la grâce de son âme, et l'âme étant un véhicule assujetti au monde de la mort, l'être humain veut conserver les choses parce que l'être humain, de par son âme, est un être mémoriel qui se souvient, et ce qu'il se souvient, il veut que ça reste. Alors l'homme veut donc que la guerre reste ou que la paix reste, que la terre reste, que son corps reste, que l'identité qu'il a de lui reste, que sa conscience de vie reste, que l'univers reste. Ce mécanisme est un mécanisme normal à l'échelle de notre planète, mais ce n'est pas le rôle de l'homme. Il est donc essentiel que par le biais des réincarnations pluralitaires, des milliers d'individus renaissent fusionnés dans un ensemble, renaissent dans un corps. Et c'est de cette façon que les 4 milliards 900 quelques millions d'habitants de notre planète, multipliés par tous les milliards d'humains qui ont vécu depuis la naissance de la conscience de l'homme, dans l'animal, se regroupe finalement dans quelques 144 000 humains qui, à eux seuls, vont contenir l'humanité. L'humain a de la difficulté à accepter. Il peut comprendre l'intelligence de ce que je dis, mais il a de la difficulté à accepter. Parce que chaque être humain veut être le boss. Ça ne me dérange pas que 12 000 personnes entrent chez moi, mais c'est moi qui vais diriger. Ben, les 12 000 disent la même chose. Différentes lois régissant la correspondance des énergies dans notre création font en sorte que la conscience est à une chose limitée à un continuum spatio-temporel, donc à une mémoire retenue par la gravité d'une matière, un contexte comme une planète par exemple, font en sorte que plusieurs humains peuvent habiter énergétiquement, ou disons plusieurs consciences d'humains, peuvent habiter le même endroit, dans le même temps, sans s'intermélanger. Cela veut dire que ces 12 000 individus auront l'impression d'être là. Et lorsque moi je parlerai à un corps physique, je parlerai à un être humain. Et cet être humain fusionné sera les 12 000 individus qui, eux, ne sauront pas qu'ils sont fusionnés. Comprenons, comprenons pas. À l'âge où vous êtes rendu, tous les individus qui ont eu des âges et qui ont fêté des anniversaires avant vous, vous, lorsque vous aviez 20 ans, vous, lorsque vous aviez 2 ans, vous habitez encore chez vous. Mais vous êtes convaincu, vous, à l'âge que vous avez, que c'est vous le boss. Et le petit garçon de 14 ans, la petite fille de 14 ans, vous l'avez tué pour en prendre possession de ce corps-là. Parce que vous n'êtes plus cet enfant. Mais cet enfant n'a jamais su qu'il était expulsé. Il a toujours pensé qu'il y restait. Parce qu'il y restait. Et cet enfant qui continue à habiter l'être humain de par sa conscience mémorielle fait en sorte que l'humain qui habite aujourd'hui votre corps s'illusionne d'avoir été cet enfant. Le corps a déjà eu une autre apparence. Il ne l'a plus. Et dans cette apparence, par gravité, par attraction, par amour, selon les terminologies, une entité particulière habitait ce corps. Le corps a changé, la psychologie a changé. Vous ne pensez plus comme vous pensiez. Et vous n'avez plus le corps que vous aviez. Et il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de pleurs et de grincements de dents. Tout va bien. Dans la finalité de ce qu'on appelle les élus, lorsqu'on s'adresse à un peuple ignorant, ben c'est le même phénomène qui se passe. Tout le monde y est. Tout le monde pense que tout le monde y est. Tout le monde y est. Tout le monde pense être le boss. Tout le monde est le boss. Il n'y a pas de problème. C'est donc tout à fait intelligent que présentement, l'expérience des tiers-mondes pousse l'énergie vers la partie la plus évoluée et la plus avancée. Ce n'est pas un orgueil et un snobisme de l'évolution de dire que le territoire du Québec, les Amériques et le Canada et le Québec, K-E-B-E-K, le bouclier canadien, est la partie la plus haute en énergie à l'échelle de notre planète. C'est la partie la plus évoluée. Le bouclier canadien a été la première Terre de surface et quels que soient les cataclysmes qui ont magané notre planète, le bouclier, lui, n'a jamais bougé. À chaque fin de cycle de race complète, les personnages vibratoirement les plus avancés se réunissent toujours sur la même Terre. La Terre blanche, le Mont Mérou, l'Éden, le bouclier canadien. Les personnages qui, vibratoirement, de par leur constitution astrale, sont appelés à être attirés par des corps biologiques naissant à l'échelle du Québec, naissent donc au Québec. Ce n'est pas un choix émotif, c'est un choix attractif. Cela allait de soi. Les personnages qui, à un moment donné, naissent sur d'autres contextes de notre planète, à un moment donné, auront un attrait vibratoire à l'intelligence tellurique vibratoire de notre Québec. Ils vont donc migrer vers ici. Pour que l'équilibre s'installe, le tiers-monde doit empirer. Les guerres doivent pulluler. Tremblements de terre, famine, maladies, disparition, volcans, raz de marée. Et c'est essentiel à l'évolution de l'humanité au complet, globalement. Cela veut dire aussi que par collectivisme, par attraction au monde de la mort, l'astral qui manipule les humains, lorsqu'est expérimentée la migration d'un être intelligent vers le Québec, cela laisse une trace dans le monde de la mort, et là font référence les gens ignorants, et ceux-ci ont donc vibratoirement l'appel du Québec. Alors on a une panoplie de gens qui vont donc vouloir migrer aussi vers le Québec. Mais ceux-là, rendus ici, ne pourront pas goûter à la saveur émotive qu'ils ont recherchée. Ils vont donc poursuivre leur recherche et se diriger vers le Canada, hors bouclier canadien, vers les États-Unis ou vers le reste de la planète. Une chose qui est très importante à considérer. Plus ça va mal sur la planète, plus l'humanité de la partie nord planétaire évolue. Plus ça va mal sur la planète en général, plus l'humanité du Québec évolue. Et ce n'est pas question d'émotion, c'est question de vibration et de compréhension. L'être humain étant manipulé par les contextes astraux, par la mémoire du monde de la mort, par tous ceux qui sont morts et qui ont laissé de l'expérience, finit par s'illusionner que l'amour est un but, que le bonheur est un but, que l'évolution est un but et que l'être humain doit être sauvé. L'être humain sera sauvé un jour par l'esprit. Cet esprit est lui, la partie qui ne peut pas pénétrer le monde de la mort et le monde de la terre, parce que si elle le pénètre, elle perd de sa consistance d'intelligence, alors elle attend sagement que l'homme monte. Lorsque l'homme monte, il finit par se connecter à lui. Alors il vit dans deux mondes. Dans le plan supramental, le monde éthérique, et dans le monde planétaire, le monde de la mort. Lorsque l'être humain vit cette location double, cette bilocation, lorsque l'être humain vit ce genre de choses, il travaille maintenant dans deux sphères différentes. La sphère de la planète Terre, et la sphère de l'extraterrestrialité, le plan supramental. Pourquoi l'être humain n'a pas la faculté de partir du plan supramental et de fusionner celui-ci globalement de façon à ce que le contexte supramental, le double éthérique, l'esprit de l'homme, puisse travailler sur le plan terrestre pour la simple raison que tout phénomène espritique qui pénètre le monde de la mort à l'échelle de notre planète devient l'égal de l'homme. Il perd donc sa conscience supramentale, sa conscience d'intelligence. Il est donc, encore une fois, logique et intelligent que le double éthérique, la partie qui sera la représentation exacte dans les cieux de l'homme dans le ciel et sur la terre, reste à l'extérieur de ce monde de la mort, ce qui obligera l'homme à faire un travail bilocalisé, un travail à l'échelle de la planète et un travail à l'échelle des cieux. Lorsque le Nazaréen a eu ce phénomène, son corps physique a été éthérisé. Il a été dissous de cette caverne, ce tombeau. Il n'est resté que la guenille. Et lorsque le Nazaréen est apparu devant les apôtres, il était évidemment dans un corps de lumière, un corps de chair, éthérisé par le double éthérique. L'homme qui, à un moment donné, a un contact avec son esprit, avec lui-même, cet homme, à un moment donné, va commencer à créer une correspondance de lui, pas de l'âme, mais de son être-té atomique, de ce qu'il est réellement au niveau attractif, dans un monde où la mort n'existe pas, donc où la vie n'existe pas, mais où l'existence est. Et ce double qui sera éthérisé, c'est-à-dire dans des termes vibratoires, un double éthérique, parce que ce double sera d'une vibration suratomique, elle ne sera pas atomisée. C'est cette énergie qui constitue l'atome. Donc, il sera d'une énergie éthérique. Et ce double est le seul phénomène qui, à un moment donné, va permettre à l'homme, lorsqu'il va perdre son corps physique, de ne pas pénétrer le monde de la mort, mais de se diriger et de faire ce que le Nazaréen a fait, sortir du ciel, pénétrer les cieux. Cet homme a d'autres cheminements à faire sur lesquels on va revenir à un moment donné. S'il est donc logique, convenable, que l'humain, à un moment donné, place son énergie, l'esprit de l'homme gère l'évolution de l'humanité ou des humanités, de façon à ce que l'efficacité transcende toute l'inefficacité de l'ignorance stagnante du monde de la terre et du monde de la mort. Lorsque l'être humain regarde son nombril, il ne comprend pas ce qui se passe. Lorsque l'être humain regarde l'évolution des humanités du point de vue cosmique et non pas du point de vue terrestre, du point de vue terrestre, on fait référence aux archétypes cosmiques, aux mensonges cosmiques. Comment arriver à faire référence à l'extraterrestrialité de ce mensonge cosmique ou du point de vue cosmique, comment voir l'évolution de la Terre à travers la galaxie? Mais cela se fait lorsque l'être humain arrive à avoir suffisamment d'énergie pour supporter son savoir instantané, pour être capable simplement de parler, de s'écouter et de savoir que lorsqu'il parle, certaines choses sont et certaines choses sont fausses. Lorsque l'être humain ne se prend pas au sérieux, il peut facilement goûter à ce « jeu », entre guillemets, et finalement, il finira par avoir un contact avec son ajusteur de pensée qui ajustera dans sa tête la réalité de la vérité du mensonge. On va y revenir de toute façon, mais une chose certaine, c'est que l'être humain doit mettre fin à sa souffrance pour la simple raison que l'être humain doit commencer par comprendre l'intelligence de ce qu'il a à faire sur le plan terrestre. Et pour comprendre cela, il doit comprendre l'inintelligence de la souffrance dans certains cas. Si vous comprenez le moindrement que le bonheur n'est pas un but, vous avez suffisamment d'intelligence en vous parce que ce n'est pas votre âme qui vous le dit. C'est la partie de votre esprit qui est juste assez vibratoire chez vous qui peut vous faire résonner à cette idée que le bonheur ne peut pas être un but et que l'amour est une farce, l'amour psychologique de l'homme, parce qu'il y a un amour intelligent qui est au-delà de l'émotivité. Celui qui arrive ou celle qui arrive à percevoir cela doit mettre fin à sa souffrance. C'est essentiel. La souffrance est un outil qui botte le cul de ceux qui ne comprennent pas. Et la peur est l'outil qui freine. La souffrance étant un carburant trop puissant, celui qui ne comprend pas. Lorsque l'être humain commence à voir de l'intelligence, lorsqu'il voit l'intelligence de l'amélioration, il doit mettre fin à sa souffrance. On y va avec les questions. OK, la première serait plutôt une constatation. Tu ne seras jamais un maître parce que tu parles pour rien dire. Tu es du monde de Babel. Tu emmerdes, comme tu dis. Tu as déjà dit qu'un jour tu arrêterais de parler. Je crois que c'est le temps. Merci. Aucun commentaire. Quelques mots sur le comte de Saint-Germain. Est-il votre maître? Bon, je ne serai jamais un maître. Effectivement, je n'ai pas besoin d'être un maître. Et le comte de Saint-Germain n'est pas mon maître. Le comte de Saint-Germain n'est pas le maître de qui que ce soit. Le comte de Saint-Germain se génère lui-même. Il se gère lui-même. Et il gère la planète sans être le maître de personne. Comment peux-tu dire que l'homme est imparfait? Alors Dieu est imparfait. Connais-tu Dieu? Et d'où viens-tu? Comment pouvons-nous poser une question comme ça? Connaissez-vous Dieu? La question est la même. Qui vous fait dire que Dieu est parfait? Connaissez-vous Dieu? Qui me fait dire que Dieu est imparfait? Est-ce que je connais Dieu? Alors, commençons juste par se poser la question. Ne refusons pas l'imperfection de Dieu si on ne connaît pas Dieu. D'où viens-tu? Ça me regarde. Connais-tu Dieu? Si je dis oui, plusieurs vont être frustrés. Si je dis non, plusieurs vont être contents. Encore donc, une question qui me regarde. Comment peux-tu dire que l'homme est imparfait? Bon. Comprenez des choses. L'homme est suffisamment orgueilleux puis puant dans son orgueil qu'il se dit potentiellement parfait. Lorsqu'on lance une bombe nucléaire sur une ville, potentiellement, si elle n'explose pas, il n'y a pas de danger. Lorsqu'elle explose, bien, potentiellement, il n'y a pas de danger non plus. L'homme est parfait. Potentiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuez à faire ce que vous faites, sachez que vous êtes parfait potentiellement. Le potentiel, c'est ce qui peut être exprimé. Mais ce qui est exprimé est ce qui est exprimé. L'homme est ce qu'il exprime. L'homme n'est pas ce qu'il peut exprimer. La pensée de l'homme, c'est quoi? Ça ne sert à rien. C'est ce que l'homme fait puis ce que l'homme dit qui est l'expression de l'homme. Ça, c'est l'homme. Vous voulez savoir votre niveau d'évolution? Ce n'est pas comment vous pensez. C'est comment vous faites. C'est comment vous réagissez. Là, on connaîtra votre niveau d'évolution. On peut s'amuser avec une question ici, Orange. Tu ne seras jamais un maître parce que tu parles pour rien dire. La personne, elle réagit à des phénomènes. Et elle a suffisamment d'énergie pour écrire ceci. Quelle est la conséquence de ceci? Est-ce que parce qu'elle a écrit ceci, je vais me taire? Donc, inconséquentiel. Tu es un monde de Babel. Oui, si on veut. Tu emmerdes comme tu dis. Ben effectivement, c'est évident que j'emmerde. Ah, oh, j'emmerde en maudit. Puis j'ai pas fini d'emmerder. Tu as déjà dit qu'un jour tu arrêterais de parler. Je crois que c'est le temps. Lorsque l'orgueil puant de l'homme, et sachez que de l'orgueil puant, il n'y a pas beaucoup d'humains qui n'en ont pas. Lorsqu'à un moment donné, certaines choses, certaines formes sont brisées, certains chocs sont créés dans l'orgueil de certains humains, c'est évident que cet égo, que cette âme, aimerait que ce qui crée le choc disparaisse. Lorsque l'on souhaite que quelque chose disparaisse du contexte de la planète, c'est ce que l'on souhaite ici. Tout à l'heure, j'ai expliqué que l'être humain essayait de vivre émotivement son évolution. Alors, lorsqu'il n'aime pas une race, il veut la détruire ou il la paramètre d'entre des murs. Lorsqu'on n'aime pas ce que je dis, on ne m'écoute simplement pas. Mais l'être humain étant émotif ne peut pas être intelligent parce que l'émotion ne va pas avec l'intelligence. Alors donc, il y a une panoplie de dangers. Lorsque l'homme pose la question, connais-tu Dieu? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Que je le connaisse ou non? Rien. Si je dis oui, vous ne me connaissez pas assez pour savoir si ma réponse est vraie. Si je dis non, vous ne me connaissez pas non plus assez pour savoir si c'est vrai. Mais une chose est importante. Vous, êtes-vous capable de savoir, de discerner l'intelligence d'un verbe sans être obligé de savoir d'où vient le verbe? Quand quelqu'un vous dit « tu saignes du genou », lui demandez-vous « es-tu médecin? » S'il répond « non », tu vas dire « bon, ça saigne pas ». Essayez donc de vous soutenir un petit peu plus, d'être un peu plus debout en tant qu'humain. Il y a de l'eau qui sort de sous terre. Elle est bonne. Allez-vous creuser jusqu'au début de la source pour avant de la boire? Réveillez-vous un peu à un moment donné. Deux questions qui se rejoignent sur l'équilibre. Est-ce que le phénomène d'équilibre existe seulement sur la Terre ou bien il est aussi existant dans tout l'univers? S'il existe aussi dans l'univers, alors il doit y avoir une partie pauvre dans l'univers. Une question à la fois. Ce phénomène d'équilibre est une tendance universelle, super universelle, créationnelle. Donc, elle est présente dans toute la création. Est-ce qu'il y a une partie pauvre dans l'univers? Demandez aux astrophysiciens. Ils s'arrachent les cheveux, sont terrorisés lorsqu'ils découvrent les parties pauvres. On a des soleils qui disparaissent. On a des soleils qui naissent. Pour qu'un soleil naisse, un soleil doit partir. On a des trous noirs, on a des trous blancs. On a des constellations absolument effarantes, on a des nébuleuses, on a des parties d'astéroïdes, on a des planètes froides, des planètes chaudes, on a des soleils nains, on a des soleils jumeaux, on a des soleils près d'exploser. On a toute une permutation complète et globale dans notre univers. Et il y a des régions complètes qui manquent carrément d'étoiles, de planètes et de quoi que ce soit. Faites-vous-en pas, les lois qui vous régissent, régissent la création, si ça peut vous dire. Tu parles de tous les phénomènes comme intelligents, et cette intelligence permet l'équilibre. Comment vois-tu l'équilibre de l'intelligence dans une guerre nucléaire? L'intelligence permet l'équilibre. C'est faux. L'intelligent, c'est ce qui reste lorsque l'équilibre est atteint. Il y a des nuances très subtiles, mais vous devez finir par discerner. On a toujours la maudite illusion, et c'est normal, c'est ce qui a toujours été enseigné depuis le début, que l'homme a une conscience, mais à un moment donné, il faut la transcender, il faut passer par-dessus. Il n'y a pas de désir dans ce mécanisme d'évolution. Dieu n'a pas désiré faire quoi que ce soit. Et Dieu a été créé en même temps parce que Dieu est cette création. Donc, on en fait partie de ce foutu Dieu. Sauf qu'il n'y a pas de désir. Vous ne désirez pas évoluer. La vie vous bat le cul pour évoluer. Et vous ne désirez pas évoluer. La journée où c'est que vous voulez cesser d'évoluer, fini l'évolution. Là, je me couche, plus rien. Ça continue pareil. À un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit, « Ouais, l'évolution, j'ai vu ça dans le dictionnaire, moi, évoluer. » Mais non, à un moment donné, vous avez découvert que vous étiez en train d'évoluer. Puis là, orgueilleusement parlant, vous dites, bon, ben, je vais prendre mon évolution en main. Belle foutaise. Vous décidez pas quand ça commence, vous décidez pas quand ça arrête. Vous avez même pas décidé d'être au monde. Vous avez même pas décidé d'avoir le nez que vous avez. Vous avez même pas décidé de savoir si vous portez des lunettes ou non, d'avoir tel enfant, puis de décider si votre conjoint deviendrait ce qu'il est devenu. Vous décidez même pas de quand votre auto va cesser de rouiller. Vous décidez pas ça. Toute l'évolution n'est pas un phénomène de décision, ce n'est pas un phénomène d'orgueil, ce n'est pas un phénomène d'émotion. L'évolution, ça ne se doit pas d'être beau. Ça marche, ça évolue, ça grimpe, ça tourne. Lorsque la planète Terre a traversé la queue de la comète de Halley, pas en 86 la fois d'avant, qui a décidé ça? Rien. Ça fait chier l'ego de l'homme, parce que l'homme a besoin de s'accrocher à un paquet de ventouses qui aime, qui gère l'humanité, puis qui décide tout. Ben imaginez-vous que si ça aime l'humanité, il n'y aurait pas toute la merde que j'essaie de vous expliquer ce soir. Ça aime l'humanité en ce sens que c'est attiré par l'humanité. Dieu aime l'homme. Puis il l'aime à un point tel qu'il s'écrase dessus à une vitesse au-delà de la vitesse de la lumière. Puis parce que le temps limite la condition divine, lorsqu'il s'approche de la Terre lentement, il atteint la vitesse de la lumière, ce sont des énergies cosmiques, de l'énergie supramentale, puis à un moment donné, ça vous chatouille le haut du crâne, pour certains, c'est le bas des fesses, puis l'évolution commence à fonctionner. C'est pas décidé, vous l'attirez! Dieu veut passer à côté de vous, là, puis il se plug sur vous. Vous êtes un état gravitationnel, vous aimez Dieu. Vous n'avez pas le choix. Puis Dieu vous aime, il n'y a pas le choix. Vous allez vous pluguer ensemble, c'est convenable. C'est comme ça que ça marche. L'être humain veut toujours savoir, oui, mais l'intelligence permet, l'intelligence ne permet pas. L'équilibre, là, c'est une force. Lorsque tout est en état d'équilibre, tout ce que vous n'aimez pas est là. Contrebalancé par ce que vous aimez, c'est l'équilibre. Quand l'humain veut que la paix s'installe partout, il n'y a plus d'équilibre. Ça marche pas. Quand les deux sont balancés, il y a maintenant ce qui reste, c'est de l'intelligence. Lorsque vous le comprenez, ça devient parfait. C'est beau de voir un chevreuil, c'est beau de voir un loup, c'est laid de voir un loup tuer un chevreuil. Ben, c'est comme ça que ça marche. C'est beau de voir des fleurs, puis c'est beau de voir une vache bouffer des fleurs, ben, c'est de même, ça marche. Il n'y a pas de désir. Comment vois-tu l'équilibre et l'intelligence dans une guerre nucléaire? La guerre nucléaire, elle a la faculté d'être dans une guerre nucléaire. La radiation est très proche du corps vital de l'homme, ce qui va permettre une surmutation du code génétique de l'homme, éliminant par le fait même une panoplie de reproductions non nécessaires à l'échelle biologique humaine, de façon à ce que les âmes qui vont se réincarner ne puissent plus se réincarner dans ces hommes. Ça va donc créer des animaux d'ordre involutif, d'ordre secondaire. Par contre, l'homme nouveau, lui, qui aura un corps de plus en plus énergétique, aura un corps de plus en plus dense. La majorité, vous ne pourrez pas comprendre ce que je dis là. Mais l'homme d'aujourd'hui a déjà un corps radioactif qui est détectable au compteur GGR. L'homme nouveau aura un corps de plus en plus radioactif et sa mutation sera finalisée par de hautes radiations. L'intelligence d'une guerre nucléaire, absolument parfaite. Elle va finaliser la gestion de la structure d'une race neuve, ce qu'on appelle souvent la race du Verseau, la sixième race mère. Présentement, on est à la fin de la cinquième race mère, la race blanche. Et on s'en va donc vers une sixième race mère qui sera génétiquement, biologiquement différente de la nôtre. Alors, de l'intelligence, on peut en parler longtemps. La guerre nucléaire, je ne la veux pas, pour la simple raison que si l'homme fonctionne convenablement, il va lui-même muter son corps. C'est ce qui est déjà opérationnel à l'échelle de certains Québécois. Sauf que ça ne regarde pas l'homme nouveau, la guerre nucléaire. Ça regarde l'homme ancien. S'il l'a fait, il la fera. Ce n'est pas parce que l'homme nouveau va la précipiter ou parce que l'homme nouveau va l'empêcher. C'est sa job. Et c'est à lui de décider. Qu'est-ce que la pauvreté et la misère? C'est-à-dire, pourquoi? Explique-moi une manière plus large de la pauvreté et la misère vue cosmiquement. La pauvreté, c'est simplement la comparaison que fait un égo orgueilleux de ce qu'il est par rapport à ce qu'il peut être. C'est ça, la pauvreté. La définition, c'est ça. Vous avez 5 piastres, tout le monde a 5 piastres, tout le monde est riche. Vous avez 5 piastres, tout le monde a 100 piastres, vous êtes pauvre. C'est ça, la pauvreté. J'ai été dans la jungle, j'étais dans différents pays, j'étais au Mexique. Au Mexique, les gens sont pauvres en vache. Parce que leur toit de cabane, c'est des pancartes de coke. Au Guatemala, j'en ai vu d'autres. Le toit de cabane, c'est de la paille de riz. Eux autres sont pas pauvres. Si à un moment donné, quelqu'un arrive et bâtit un hôtel moderne à côté, automatiquement, eux autres sont pauvres. Vous êtes pogné à manger des bananes tous les jours. Votre cabane, c'est un toit de chambre. À toutes les 12 ans, vous devez la refaire. Vos murs, c'est du bambou, on voit à travers. Mais vu que vous avez des problèmes oculaires, vous ne voyez pas dans les cabanes des autres. Ça règle le problème. Bon. Vous devez aller à la chasse de temps en temps, manger un singe, un poisson, une poule, puis évidemment, vous nourrissez les cochons comme vos enfants. Vous mangez un cochon, puis de temps en temps, vous vendez des enfants. Bon, qu'est-ce qui se passe à la planète? On parle de pays sous-développés, pas de pays pauvres. Alors, est-ce que vous êtes pauvre ou riche? Bien, si vous avez un cochon de plus que l'autre, vous êtes riche. Vous êtes le riche du village. Ou le riche de la tribu. Mais vous n'êtes pas pauvre. Puis à un moment donné, on arrive, puis là, on décide que toutes les terres où vous allez chasser, ça devient une plantation de bananes, ça appartient à tel. Là, vous ne pouvez plus aller chasser. Là, vous êtes obligé d'acheter du riche. Là, vous ne tenez pas. Pourquoi? Parce qu'il est riche. La pauvreté, c'est quoi? C'est la comparaison que fait un égo de sa condition à l'extérieur. Évidemment, il le désire, donc, à ce qu'il voudrait qu'elle soit. Or, qu'est-ce que la pauvreté et la misère? La misère, c'est la souffrance de l'égo qui se prend au sérieux à travers l'observation de l'extérieur. Expliquez-moi, c'est quoi la misère? Un jour, vous perdez un doigt. Est-ce que c'est la misère? Mais non. On devrait tous en avoir 6 par main, puis on en a 5, puis on ne broye pas. Mais si on en a 4, pourquoi on broyerait? Parce qu'on regarde les autres, parce qu'on regarde dans notre mémoire, parce qu'on s'illusionne de ceci, de cela. Mais là, il y a la misère. Prenez n'importe quel humain qui est cinglé complètement, placez-le n'importe où sur la planète, il n'y aura pas de mythe. Il ne s'en rend pas compte. Dieu, ben, il s'en moque. Alors, comment discerner entre un et l'autre? Tu ne seras pas capable. La misère, c'est typiquement relié à l'ego de l'homme. Il en a besoin. Ça lui permet de continuer à penser qu'il est quelqu'un. Tant qu'il ne le sait pas, puis tant qu'il ne le vibre pas, ben, il est obligé d'y croire. Mais parce qu'il y croit, ce quelqu'un qu'il envisage qu'il est n'est pas nécessairement ce qu'il est. Alors évidemment, il n'est jamais content, il est toujours insatisfait, puis il y a la misère. La pauvreté, c'est quoi? On a du monde pauvre à Montréal qui sont extrêmement pauvres comparativement à d'autres, mais ils sont mauditement plus riches qu'un paquet d'autres. Tout est relatif. Je ne dis pas qu'un pauvre à Montréal doit rester pauvre. Dans un contexte comme le nôtre, il ne devrait plus en avoir. Ça n'a pas d'affaire ici. Il en masse ailleurs. On n'a pas besoin ici. On est mal organisé. On fonctionne en homme ancien. On a des sociétés tout à fait individualistes et collectives, de par sa conscience. Ça va changer. Alors, c'est donc pourquoi expliquez-moi une misère plus large de la pauvreté, d'une manière plus large, pauvreté et la misère, ben c'est ça. La misère, ça n'existe pas dans la tête et dans le cœur de l'homme. La pauvreté, ça n'existe pas. Savez-vous que moi, je suis pauvre en sacrebleu? Oh, je suis pauvre en vache. Si je me compare, si je me plugue en homme ancien puis que je regarde qu'est-ce que l'homme nouveau peut faire à l'intérieur de moi, puis qui sont encore, disons, cette expression est encore limitée parce que mon corps physique n'a pas fini sa mutation, ah ben je suis pauvre en maudit. Je suis encore pogné à me promener dans un char ou un avion pour me déplacer. C'est carrément stupide et absurde. Ça m'a pris 10 heures de me rendre en Amazonie, partir de Toronto. Imaginez-vous comment c'est con de perdre 10 heures à voyager dans les airs, dans une boîte de conserve pour s'en aller quelque part sur la planète. Bon, je fais des conférences un peu partout dans la province de Québec. Faut que je prenne mon auto. Je suis obligé de rouler pas mal plus vite que les vitesses limites. Il n'y a pas de danger pour les polices. On les détecte à 100 000 à ronde. Sauf que c'est pas assez vite. Ça devient ridicule. Alors, je suis pauvre. Je serai pas pauvre longtemps. Mais si je prends, j'observe cosmiquement ce qui se passe, ben c'est absolument impeccable. Parce que si présentement, je pourrais faire ce que je vais faire, je pourrais pas, il faudrait que je me cache dans les tiroirs. Parce qu'il y en a d'autres qui ne seraient pas ajustés à ce que j'ai besoin, à ce que je pourrais faire. Donc, je ne peux pas le faire. Pourquoi? C'est pas un désir. C'est intelligent. La misère, la pauvreté, une farce. Le riche rend l'homme pauvre. Le pauvre rend l'homme riche. Devons-nous aider le tiers-monde? Toi, aide-le plus, puis laisse les autres l'aider. C'est la meilleure réponse. Autrement dit, partez pas à prêcher qu'il ne faut plus aider le tiers-monde. Ceux qui ont encore une conscience de les aider ont une conscience assujettie et ça l'aide. Tu sais, il y en a qui allaient à l'église avant de se faire confesser. Il y en a qui vont plus y aider le tiers-monde. Ça leur permet de bien dormir. Si vous comprenez l'intelligence de faire chez soi ce qu'on a besoin de faire chez soi, occupez-vous de vos oignons. Quand toute l'humanité va s'occuper de ses oignons, tous les oignons vont être bien tenus. Quand toute l'humanité s'occupe des oignons des autres, bien évidemment, tout est tout croche. Non. Je ne vois pas d'intelligence à la souffrance. Donc, pourquoi le tiers-monde a-t-il été créé? Voyez le phénomène ici. Pourquoi le tiers-monde a-t-il été créé? Le tiers-monde n'a pas été créé. Le tiers-monde s'est créé. On parle de mécanicité et c'est un fait, le tiers-monde s'est créé. La crise économique qui s'en vient, qui l'a créé? Elle se crée tout seul. La guerre mondiale, qui l'a créée? Elle se crée tout seul. Adolf Hitler, dans le début, voulait ramasser la Pologne, pas plus. Alors, il a prévu 2-3 ans de guerre. En 3 jours, il y a eu la Pologne. Ben, c'était suffisant pour qu'il pense rentrer en Tchécoslovaquie. Il n'a même pas eu à se battre, il a conquis la Tchécoslovaquie. Ben, là, c'était clair dans sa tête. La planète lui appartenait. Pas lui, il n'était pas parti avec cette idée-là. Ça s'est fait. Ça s'est fait tout seul. Pourquoi les Japonais sont alliés aux Allemands? Pourquoi la moitié de l'Italie? Ça s'est fait tout seul. Pourquoi les Japonais ont attaqué les Américains? C'était le temps que la guerre finisse. Il fallait donc que les États-Unis rentrent en guerre. Essayez de comprendre un peu. Un peuple gros comme ça, le Japon, s'en va attaquer les États-Unis d'Amérique. Il aurait pu attendre 2-3 ans. C'est les Américains voulaient rien savoir de la guerre, puis l'Allemagne était en train de ramasser l'Europe au complet, puis en donner une partie au Japon. Il aurait pu attendre. Non. Quand les choses se font tout seul. Je ne vois pas d'intelligence à la souffrance. Comprenez ceci. Vous ne voyez pas d'intelligence à la souffrance, c'est parfait. Vous êtes heureux. Ah! Mais heureux, là, heureux. Vous n'avez plus besoin d'argent. Pensez à un hot dog et des feux dans la bouche. Bonheur parfait. Vous pensez à dormir, vous dormez déjà. Vous ne voulez pas être fatigué? Jamais fatigué. Vous avez le corps que vous voulez, vous vous mutez comme vous voulez. Vous avez la voix que vous voulez, les chars que vous voulez, traverser les murs si vous voulez. Même pas besoin de manger si ça vous tente. Bonheur parfait! Ah, parce que vous vous ennuieriez à mort. Bon, mais éliminons ce phénomène de l'ego de l'homme. Alors maintenant que ce bonheur est parfait, qui va encore vouloir s'améliorer dans le contexte actuel de l'évolution psychologique de l'homme? Personne. Qui va faire du conditionnement physique, se tenir en forme? Qui va faire attention à ce qu'il mange? Qui va faire attention pour ne pas boire comme un fou, prendre son char pour aller s'amuser? Tout est parfait. Sauf que cette perfection que je vous ai décrite, elle arrive à la semelle de ce qui devrait arriver. Mais comment l'homme va-t-il aller chercher le reste? Franchement. La majorité de ceux qui sont sur le chômage ou sur l'assistance sociale ou bien non, qui ont une job bien payante ou du moins sécurisante, est-ce qu'ils se forcent pour continuer à avancer dans la vie? Non. Quand est-ce qu'on s'occupe de notre santé? Quand on est malade. Si on ne serait pas malade, tiens la santé. C'est un fait. Celui qui n'a pas de caries, ça ne brosse pas les dents. On commence à s'y brosser. On découvre que ça pourrit là-dedans. Sinon, pas intéressant. Les tapis, ça crée des ions positifs. C'est intéressant quand on fait des conférences, ça terrestrifie les gens, ça les ground. Mais dans la maison, pas. Oh. Quand tu seras dépressif, tu achèteras un ionisateur d'air. Mais tant que tu n'es pas dépressif assez, ça vaut pas la peine de mettre 200 pièces là-dedans. Quand tout va bien, qu'est-ce que l'homme fait? On vit dans une société en paix. Pas de guerre ici. Fait qu'on chiale contre la police, on chiale contre le gouvernement, on chiale contre tel ministre. On fait 3-4 folies, on se drogue un peu, on boit, on mange comme des cochons ou des cochonnes. On veut faire des voyages. C'est trop cher. Mais en temps de guerre, vous savez une chose, quand on trouve une pomme quelque part, on la flatte. En temps de paix, les pommes, là, je t'en ai aux poubelles, fini. À quoi sert la souffrance? L'homme n'a pas l'intelligence de comprendre ce qui fout sa planète. L'homme n'a pas l'intelligence de comprendre l'amélioration. Alors, s'il n'y a pas de souffrance, l'homme devient stagnant. À quoi sert la souffrance? C'est ça. À quoi? Qui crée la souffrance? Ben, rien de quelque de particulier. Prenez de la boisson, mécaniquement, ça va tuer votre cerveau. Ça crée des fibroses au niveau du nez. Ça en crée un mouille spéqué au niveau du foie. Eh oui. Qu'est-ce qui crée la souffrance? La réaction de friction entre des conditions terrestres qui ne sont pas faites pour vivre ensemble. Ça crée la souffrance, ça crée le karma instantané, le karma différé, le karma relatif, le karma collectif, le karma individuel. C'est ça qui crée la souffrance. Il n'y a pas personne qui a dit « Bon, ben là, on va faire souffrir les gens. » Non, non. Laisse-les aller. Paf, ils rentrent dans les murs, ils souffrent. Voilà. Ils vont finir par apprendre à marcher dans le corridor. Bon, mais tant qu'ils rentrent dans le mur, paf, paf. À quoi ça sert la souffrance? Paf, paf. Pourquoi vous me faites souffrir? Paf, paf. Il n'y a pas une intelligence qui répond. Paf, paf, paf. Et un moment donné, il va finir par voir qu'il ne souffre pas. Il va suivre le corridor. Puis là, il dit « Bon, enfin, j'ai trouvé le chemin. » Puis là, il s'en va. Paf! Il y a des virages là-dedans. Il ne sait pas. C'est un fait. J'ai trouvé le yoga. Ça guérit ça, guérit ça. Si on a 15 ans de pratique, il aurait été temps que je change de technique. Bon, il y a des virages, des choses avancent, l'être humain est sécure. Ça marche. Ça ne marchera pas tout le temps. Ça t'a amené ce qui se levait à t'amener. Continue. Il y a des virages. À quoi ça sert la souffrance? À rien d'autre. C'est qu'il y a un contexte qui est mécanique. Connaissez la mécanique, plus de souffrance. Et la semaine prochaine, comment mettre fin à ces souffrances, c'est comment arriver vibratoirement à percevoir la mécanicité des choses. C'était un bon début à soir. C'est sûr que ce soir, on prend un sujet extrêmement vaste, donc il en manque des bribes un peu partout. Les questions, normalement, viennent boucher un peu ces bribes. Et évidemment, il y aura la suite la semaine prochaine. Mais la souffrance, on peut y mettre fin, mais on n'y mettra pas fin par désir émotif. T'es écœuré de souffrir? T'es écœuré? Oh oui, fort, fort! Ça fait-tu mal quand t'es écœuré de même? Oh oui! Ben, c'est ça, continue à souffrir. Est-il intelligent de se soumettre à l'ordre des choses de l'intelligence? Ne pouvons-nous également être générateurs de l'intelligence de l'ordre des choses? J'ai essentiellement à l'esprit l'injustice créée par l'homme du fait de son ignorance de l'intelligence. Bon. Est-il intelligent de se soumettre à l'ordre des choses de l'intelligence? Bien, évidemment, de toute façon, c'est intelligent pour la simple raison que c'est ce qui va vous arriver à tout le monde. Ne pouvons-nous également être générateurs de l'intelligence de l'ordre des choses? C'est ce que l'homme ancien fait. Lorsqu'il devient mental, il veut être un peu plus écologique, un peu plus conséquentiel. Ça marche encore émotivement, par exemple. J'ai essentiellement à l'esprit, c'est faux, pas à l'esprit, l'injustice créée par l'homme du fait de son ignorance de l'intelligence. C'est un peu comme si quelqu'un dirait, est-ce que je peux décider que je vais tuer les bandits qui ne sont pas condamnés. Je vais donc décider moi aussi les forces intelligentes. Si le bandit n'est pas condamné, c'est parce que karmiquement, il n'a pas à être condamné. C'est parce qu'il y a une raison d'être pourquoi il reste en liberté. Donc, l'individu qui va se dire, bon, ça a mal été fait, il va y aller. Non. C'est comme celui, à un moment donné, qui va dire, tu sais, les loups, animal nuisible. Fait que je vais gérer l'intelligence, on les extermine. Non. L'être humain ne peut pas gérer l'intelligence. Il va devenir un exprimateur d'énergie. Quand je parle, j'exprime de l'intelligence. Elle est ajustée à exactement le millième de seconde où le verbe sort. Mais je ne décide pas par intelligence de ce que les gens devront faire, de ce que les gens devraient faire, de ce que les gens auraient dû faire, si on devrait faire ceci ou faire cela. Je lance des mots. Si ça passe, si ça crée des choses, c'est que le temps est venu. Si le temps est venu, c'est que les choses se font. C'est donc ça, l'intelligence. C'est ce qui reste. L'être humain ne peut pas devenir lui-même décider des choses intelligentes. L'être humain qui s'illusionne de ça est un être humain orgueilleux. Et c'est ce qui cause... Adolf Hitler a décidé d'être un générateur d'intelligence. Bon, il y en a un maudit paquet qui ont décidé d'être des générateurs d'intelligence, d'être des missionnés. Danger. Puis ceux qui se font missionner se font charrier. Puis s'ils se font charrier, c'est qu'il y a une raison. La raison est intelligente. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi un enfant nouveau peut devenir un monstre ou même se suicider s'il est mal dirigé. Serait-ce qu'il a seulement le potentiel de devenir un homme nouveau comme la graine a le potentiel de devenir un arbre? Pourrais-tu expliquer, car cette question me fatigue depuis une semaine? Bon, l'enfant nouveau, le terme nouveau fait qu'émotivement, beaucoup d'adultes sont tout contents. L'enfant nouveau devrait être capable d'aimer, de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Non, absolument pas. L'enfant nouveau est nouveau parce que sa structure cérébrale, sa structure génétique, est une structure qui lui permet d'avoir une conscience plus rapidement, plus grande que l'enfant ancien, l'enfant normal. C'est tout. Ça veut simplement dire que son corps physique est capable de supporter plus de puissance énergétique que vous en avez supporté au même âge que lui. Lorsque l'enfant est maltraité par le plan terrestre, c'est-à-dire parce que l'enfant est quand même éduqué par ses parents, donc automatiquement il sera maltraité, et c'est pour l'instant comme ça que ça marche, c'est intelligent, on pourra à un moment donné revenir sur cette intelligence, ça crée des conditions expérientielles au niveau des mondes astraux, ce qui nourrit le ciel, nourrit ça Satan, permettant encore une fois une manipulation plus grande au niveau des individus collectifs de la planète, ce qui engendre une expérience collective salutaire, parce qu'à un moment donné, une fois que ces individus-là meurent, étant donné qu'ils ont vécu le même genre d'expérience émotive, dans le monde de la mort, ils se retrouvent, se fusionnent, et on arrive encore à nos 144 000 quelques élus d'ici quelques centaines d'années. Bon, c'est assez intelligent. Comment un enfant nouveau peut devenir un monstre? Mais l'enfant nouveau, lui, passe sa phase de sa crise d'adolescence vers l'âge de 6, 7, 8 ans, dépendant encore des enfants, donc des génétiques. Il aura sa crise d'adolescence biologique vers les âges conventionnels pendant encore un laps de temps. L'enfant nouveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un moment donné, il découvre que les adultes et que les autres sont manipulables. Et il découvre donc qu'il a été manipulé. Et là, il se dit, on ne me manipulera plus. Il n'a pas encore tout compris l'intelligence des choses. Il l'a compris juste assez. S'il n'y a pas un paramètre intelligent qui vient lui expliquer l'écologie, qui vient lui dire, attends, tu comprends, mais attends, ce que tu as fait là, c'est vrai. Mais des bouts qui te manquent. Reste encore assez vivant, assez longtemps, ça va venir. Lorsque l'enfant nouveau finit par être l'enfant nouveau qui naît dans un monde où il pourra développer sa faculté de manipuler les autres avec un bon résultat, il va le faire et il ne se suicidera pas. Lorsque l'enfant nouveau se rend compte qu'il ne peut pas manipuler et qu'il ne peut pas se désassujettir de la manipulation des autres, l'enfant nouveau n'a pas peur de la mort. Il n'a donc pas d'intérêt particulier à la vie. Alors, s'il ne peut pas manipuler et s'il se voit contraint d'être continuellement manipulé d'une façon inintelligente en son sens, il y a de fortes possibilités. Puis au Québec, on a de plus en plus de jeunes qui se suicident parce qu'ils comprennent juste assez puis juste pas assez. Donc, il y a de fortes possibilités que l'enfant nouveau se suicide simplement. Et l'adulte ne doit pas se culpabiliser. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il a fait au mieux de ce qu'il pouvait faire. Si c'est pas assez clair, on posera la question et on continuera à répondre. Il faut clarifier la question. Quelle est la différence entre un gourou, maître, et un avatar, incarnation divine? Y a-t-il certains maîtres qui sont des hommes nouveaux? C'est original. Quelle est la différence entre un gourou ou un maître et un avatar? J'ai dit souvent que ceux qui étaient avatars devenir dans le temps où ils sont venus. Et ça définit un peu. Le gourou est toujours compris. Il ne brise pas beaucoup de formes et il tend à répondre émotivement à ce que les disciples demandent. Il tend à être la lumière et le chemin pour ses fidèles. Le maître est une espèce de gourou qui a besoin de disciples parce qu'il apprend en enseignant. Le maître est un personnage qui sera malheureux sans disciple parce qu'émotivement, il est aussi relié à ses enfants. Le gourou et le maître sont deux consistances humaines nécessaires parce que la demande est là. Il y a des disciples qui ont besoin de gourou et de maître. L'avatar n'est pas un maître. L'avatar n'est pas un gourou. L'avatar est simplement une densification d'énergie intelligente qui, à un moment donné, parce qu'une génétique est suffisamment puissante pour la supporter, descend dans le contexte de la planète pour reformer les choses. Lorsque l'être humain parle d'amour et lorsque l'être humain dit que l'amour est la plus grande émotion, l'avatar va dire que l'amour n'est pas une émotion. Il ne peut pas être une émotion, l'amour. C'est un sentiment. Lorsque l'être humain va dire « Je meurs, je vais dans le monde de la mort, je me repose, je vois ce que j'ai fait. Après ça, j'ai choisi ma prochaine réincarnation selon ce que j'ai besoin d'apprendre et je me réincarne. Je ne me rappelle plus ce que j'ai vécu avant et ce que j'ai choisi parce que si je m'en rappelais, j'éviterais les leçons. » L'avatar va dire « Non, tu ne t'en rappelles pas parce que tu n'as jamais été comme que tu es là dans les mondes antérieurs. » Tu étais plusieurs individus. Dans le monde de la mort, vous vous êtes fusionnés. Comme l'a dit la religion, une fois mort, tu retrouves ceux que tu as aimés ou ceux que tu aimes et tu les retrouves pour l'éternité. Ça va de soi, tu te fusionnes à eux à jamais. Et lorsque tu reviens, tu ne peux pas te rappeler ce que tu as été parce que tu as été trop de choses. Lorsque l'homme va dire que l'amour, le bonheur, la paix est un but, un avatar va dire non, ce n'est pas un but, que l'homme n'est pas sur la terre pour être ni en paix ni être heureux. Lorsque l'homme dit que Dieu est le créateur de l'homme, le maître va aussi parler de ça. L'avatar va dire non, l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Et Dieu évolue au rythme de l'homme. Lorsque l'homme est guerrier, les dieux sont guerriers. Lorsque l'homme est pardonne, les dieux pardonnent. Lorsque l'homme est bon et grand, Dieu est bon et grand. Le maître et le gourou ont une nécessité absolue d'être écoutés. L'avatar se fout perdument, qu'il soit compris ou non, il parle pour lui. Le gourou et le maître parlent pour les disciples. Être heureux, c'est sagesse, paix, courage, joie, amour, harmonie, où cela est l'expression de l'énergie supramentale. Être heureux, c'est lorsqu'on a réussi à atteindre suffisamment longtemps quelque chose qui ne fait pas partie du bonheur et qu'une fois qu'on l'a atteint, on peut s'en gaver et là, le mémoriser. Et là, ça s'appelle sagesse, paix, courage, joie, amour, harmonie. La sagesse, c'est la faculté de se servir de nos mémoires, de notre expérience, pour dire à l'individu, on va pas trop vite. C'est la sagesse. Tu devrais penser deux fois. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Moi, je suis pas un sage. La paix, c'est lorsque l'ego est suffisamment détruit, que l'âme est suffisamment petite pour que tout ce qui est de l'extérieur, lorsque ça pénètre chez l'homme, ça puisse pas laisser de traces dans l'ego. Vous avez une âme très grande, vous ne pouvez pas connaître la paix. Le courage, faire les choses qui doivent être faites lorsque c'est intelligent n'est pas du courage. Le courage est tributaire de l'homme ancien, ça ne mène pas à être heureux. Être courageux, cela veut dire être toujours en train de lutter contre la peur qui nous habite. Seul le peureux peut devenir courageux. L'homme nouveau n'est pas courageux. S'il doit mourir, il meurt en paix. Mais pas, il n'a pas de courage. S'il doit vivre, s'il doit faire n'importe quoi, il le fait. Cela est intelligent d'être fait, il n'est pas courageux. La joie, c'est la consistance d'expression de l'instantanéité. Et normalement, on est joyeux lorsqu'on ne le sait pas. Lorsque l'on sait qu'on est joyeux, on devient heureux, c'est-à-dire qu'on tue la joie pour pouvoir en bénéficier mémoriellement. L'exemple que je donne le plus fréquent, quand vous faites l'amour, tout va bien. Constatez que tout va bien, rien ne va plus. Vous jouez avec un enfant, vous jouez avec quelqu'un, vous faites du sport, c'est merveilleux, d'un coup vous constatez que c'est le fun. C'est là que vous voulez arrêter. Vous pouvez parler que c'est le fun. C'est ça. C'est tué. Ça reste mémoriel maintenant, puis là on en joue. Là on est heureux. L'amour ne sélectionne pas. On ne peut pas aimer une chose et en haïr un autre. Celui qui aime ne le sait pas. Et celui qui aime reste libre et ne peut pas en souffrir. L'harmonie veut nécessairement dire que dans la sagesse, il y a l'antisagesse, que dans la paix, il y a la guerre, que dans le courage, il y a la peur, que dans la joie, il y a la tristesse, que dans l'amour, il y a la haine. Et si c'est équilibré, c'est l'harmonie. Être heureux, c'est sagesse, paix, courage, joie, amour, harmonie. Être heureux est une illusion de l'homme. Être est un état qui va à un moment donné être la chose de l'homme. Ou cela est l'expression de l'énergie supramentale. La sagesse était l'expression égoïque, orgueilleuse, du fait que la mémoire de l'âme en sait suffisamment maintenant pour pouvoir être bien dans tout ce qu'elle ne sait pas. C'est ça la sagesse. C'est une illusion. La paix, je ne suis plus atteignable. On peut avoir la paix dans différents cieux du monde des ciels. On peut être le gain un peu partout, avoir la paix. Tant qu'on n'est pas trop abîmé, la paix reste. Le courage, encore une fois, c'est une illusion. C'est intéressant et utile. À un moment donné, on ne sera plus courageux. L'expression de l'énergie supramentale à travers de l'âme fait que l'être humain est. La coloration expressive à travers l'intuition théologique et amique de l'âme fait que l'être humain peut être heureux. Mais heureux, c'est une coloration très ternie de ce que ça peut être. L'être humain, l'homme nouveau est. Il n'est pas heureux. lorsqu'il y a une augmentation en énergie, disons chez une personne, il y a nécessairement baisse chez une autre. Au niveau du couple, comment cela fonctionne-t-il? On peut le constater très bien au niveau du couple. Est-ce que les deux partenaires peuvent monter en énergie de façon simultanée et similaire ou est-ce que ce phénomène de baisse versus hausse se retrouve automatiquement? Là, je ne sais pas, vous avez les bonnes questions. Des questions qui servent à quelque chose. Lorsqu'il y a augmentation d'énergie dans un couple, vous avez sans doute constaté que quand l'un a la bain, c'est l'autre qui n'a pas, fait que là, vous l'aidez, vous le minouchez. Là, quand ça commence à bien aller chez l'autre, c'est l'autre qui est fatigué. Quand il y en a un, c'est temps de sortir, l'autre ne veut pas, puis c'est toujours souvent l'inverse, dans la majorité des couples. Les couples neufs, pas encore. Pourquoi? Parce que les couples neufs n'ont pas décidé de former un être. Lorsque le couple est suffisamment collectif, bien souvent, quand l'un va, l'autre ne va pas. C'est une mécanicité tout à fait parfaite qui empêche carrément le couple de fonctionner au niveau d'une évolution sans souffrance améliorative. Le couple évolue donc par souffrance. Est-ce qu'il y a possibilité que, dans un couple, les deux montent en même temps? Oui, à l'exclusive condition que ce couple fonctionne en couple nouveau. C'est-à-dire que ça te tente d'aller là, moi ça me tente pas, ben vas-y. L'autre, il se dit, parfait, j'y vais, puis tu t'en vas là, puis il n'y a pas un qui souffre. Les deux vont toujours être, possiblement, en phase montante d'énergie. Cela veut dire qu'on ne doit plus s'aimer comme l'homme ancien aime, c'est-à-dire que j'aime ma partenaire, donc elle est à moi, et je la possède. Donc, je peux être jaloux, ce sera donc une juste jalousie. Je pourrais être en colère, ce sera une juste colère. Je pourrais être inquiet, ce sera une juste inquiétude. Toute de l'illusion, de la juste illusion. Lorsque l'homme et la femme sont capables de s'aimer en ce sens qu'ils voient l'intelligence d'être ensemble, soit pour partager le loyer, soit parce qu'ils veulent avoir des enfants dans le but de faire certaines choses au niveau d'évolution, donc ils doivent s'en occuper, soit parce que, bon, quelle que soit la raison, et pas une raison émotive, « Oui, mais j'ai besoin de toi », automatiquement, il y aura le jeu du piston. Bon, c'est immanquable. Pour pallier à cela un peu, déjà commencer par pas coucher dans le même lit, si possible pas coucher dans la même chambre. On l'a déjà vu quand on a parlé de la psychologie du couple nouveau. Ça fait que celui qui tête épuise pas l'autre. Mais effectivement, à un moment donné, l'être humain va être capable de vivre en couple sans qu'il y ait ce jeu du piston lorsqu'ils seront capables de s'aimer intelligemment. Donc, de s'aimer tout en se respectant, ce qui n'est pas le cas de l'amour psychologique. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et le respecter. Ah, vous aimez et puis vous respectez pas. Vous aimez vos enfants, fait que vous voulez pas qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent faire. Hein? Vous aimez votre mari, fait que vous vous attendez à ce qu'il fasse telle chose pour vous prouver qu'il vous aime lui tout. Bon, et vice-versa. Hein? Ce qu'on aime présentement à sa planète, on le respecte pas. Vous aimez des fleurs, vous les tuez pour mieux les aimer. Vous aimez des choses, vous l'achetez. Vous aimez, bon, observez simplement, lorsque l'être humain arrive à aimer et à respecter, ça veut dire quoi aimer et respecter? Ça veut dire que t'es pas indifférent, mais ça te touche pas ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Alors, à un moment donné, tu te rends compte que ta femme couche avec un autre, ça te dérange pas. Tu l'aimes. Ça te dérange? Tu t'aimes. Puis t'aimes ce qu'elle stimule chez toi. Puis t'as peur de la perdre, t'as peur de stimulation. Faut pas qu'elle couche avec un autre. C'est sûr que ça fait des enfants qui sont un peu disparatisés. Là. Mon amas de technique maintenant pour faire trop d'enfants. Bon. Sauf que, parlons intelligemment. L'homme nouveau, la femme nouvelle, évidemment, ils n'iront pas chercher du sexe ailleurs, ils n'auront plus besoin de ce phénomène-là. Bon, ils vont procréer ou bien non, ils n'en feront pas. Mais présentement, si on aime et qu'on respecte, on n'est pas là pour déboutonner les roues de l'autre. Si on aime et qu'on ne respecte pas l'amour psychologique, on possède. Là, on est là pour paramétrer l'autre. Évidemment, on y va par piston. À un certain niveau vibratoire, l'énergie prend le nom de supramental. Est-ce que l'énergie intelligente est de même vibration ou bien elle devient intelligente lorsqu'elle frappe le plan planétaire? Et quelles sont les autres formes que l'énergie prend en diminuant? Franchement, là, je sais pas. C'est un phénomène assez intéressant. Effectivement, l'énergie supramentale n'est pas intelligente tant qu'elle n'a pas de contact avec l'homme. Et l'homme ne peut pas être intelligent tant qu'il n'a pas de contact avec l'énergie supramentale. Parce que l'homme a ce contact avec, et cela est fait depuis le passage du Nazaréen, on parle donc d'intelligence supramentale. Mais l'énergie supramentale ne décide pas. Elle est omnipotente, elle peut tout. C'est l'énergie intra-atomique. Elle est partout et elle ne sait pas tout. Elle n'est pas omnisciente. C'est de l'esprit. Il y a d'autres niveaux qui sont omniscients. Lorsque l'homme arrive à développer suffisamment son plan mental pour être capable de discerner chez lui entre l'émotion et les choses logiques, il a la faculté de goûter à une nouvelle substance, l'énergie supramentale, ce qui va engendrer chez lui un contact avec de l'intelligence supramentale. L'énergie supramentale à l'extérieur du plan terrestre n'est pas intelligente. Pourquoi alors elle ne vient pas motiver l'humain à avancer? Elle n'est pas intelligente. Lorsque l'homme y touche, ça crée de l'intelligence. Et là, on peut parler d'intelligence. Mais parce que l'homme vient du contexte terrestre, il sait qu'on ne doit pas non plus toucher ceux qui ne comprennent pas. On n'est pas là pour convertir personne. Vous êtes là pour votre cas, pour vous. Puis quand pour vous ça marche, puis l'autre ça marche pas, ça regarde l'autre, pas vous! Émotivement, on se fait charrier, on veut aider l'autre. Mais le temps que vous perdez à l'aider, quand c'est pas son temps d'avancer, vous vous ralentissez votre vie. La souffrance, c'est une merde. Lorsque l'être humain comprend un peu plus cette mécanicité, on peut parler de se libérer de la souffrance.